avec moi si tu veux vivre. Et une chose encore. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Bonjour, bienvenue dans votre podcast Date de sortie. Donc aujourd'hui avec moi, j'ai mes acolytes habituels. Alors avec moi aujourd'hui, un homme qui serait quand même bien dans la merde si on laissait sur une île déserte avec comme seul choix la discographie de Hans Zimmer ou la filmographie de Christian Clavier, c'est Tom. Storm Rider, vous avez $1 d'amende pour infraction au code de moralité du langage. Exactement. Ça va, Tom ? Salut à tous. Ouais, ça va. C'est impeccable. On va parler de tatane ce soir, donc ça va. Ah ouais, c'est vrai que il y a de la tatane. Ça, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, ce soir, ça pique. Avec nous ce soir également, la meilleure dresseuse de vaches de combat de tout le sud du Yorkshire. Salut Jess. Salut Storm, ça va bien? Oui, imagine, ça va, le spectacle, quoi. Des grosses vaches, des de, vaches combat de combat. Mais je te montre avec un fouet. Avec des pics, tu sais, des vestons en cuir avec des pics sur le dos. Ah, des vaches post-apocalyptiques, vaches post-apocalyptiques. C'est des vaches post-apocalyptiques. J'adore le concept. Alors oui, nous, on te voit bien avec un fouet et des bottes en cuir. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Ça m'étonne pas de vous. C'est le genre de la... Pour dresser les vaches, hein, c'est professionnel. Attention, il n'y a rien de... Et en tout bien, tout honneur, attends. Toujours. Toujours. Attends. Toujours. Et enfin, avec nous, le seul... Enfin, comment dire, une des quatre personnes au monde possédant une copie physique du Baltringue. Salut Flo. Salut. Salut Star. Ça va? C'est vrai. Mais après, j'ai les trois autres aussi, donc ah, c'est d'accord. Des membres donc, de ma famille d'accord, qui l'ont. Okay. Cette anecdote, on a perdu un pari. Cette anecdote est totalement vraie, en plus. Bien sûr, bien sûr. Je n'oserais pas non, raconter de conneries. Non, par contre, j'ai vraiment Gomez et Tavares en oui, DVD. Voilà. Et ben moi, j'ai Gomez et Tavares et Gomez versus Tavares en DVD. Ah, j'ai les deux aussi. Vous pouvez vous foutre de ma gueule avec mes films, quand même. Quand même. Moi, je les ai pas. Eh ben, tu sais pas ce que tu loupes. Eh oui. Si, je crois. Ah, ok. Je pense savoir ce que je loupe. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer le concept du pod, au cas où? Ah, Jess, tu lèves la main. Jess, élève la ah main. Ah non, je remettais la main. Ah si, je t'ai vu lever la main. Si, vous payez tout le monde un plaisir. Tout le monde t'a vu lever la main. Très bien. Je remontais la manche. Je t'en prie. Le dévouement. Ok, c'est facile. Le thème est plutôt simple. On choisit un mois précis d'une année précise. Et tous les quatre, on impose un film qu'on choisit en dehors du mois de l'année en question. Et justement, aujourd'hui... L'émission se porte sur le mois de janvier de l'année 1997 ou non 94. Pas du 94. C'est dommage, jusque là c'était précis. Ah, je me disais, je n'ai pas vu le film là non plus. Janvier 1980. C'est parce que Jess. C'est parce que j'ai dû penser au fait que je pouvais pas dire non, je levais pas la main. Ah oui. Je pouvais pas dire 90 et du coup mon esprit était un petit peu omnubilé par cette pensée et j'ai voilà. Donc c'était 94 94 pour les Belges. C'était ça, janvier 94 et on a tous les quatre choisi un film sorti le mois de janvier. 94. Pour résumer... Oui. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est partout dans le monde. Ça peut être une sortie au Brésil en janvier 94, ouais, pareil, ça passe. Par exemple, j'ai utilisé, je crois que c'est la sortie norvégienne, moi, que j'ai utilisé pour pouvoir la voir. Oui, voilà. Voilà. Ouais, on a tous fait des petites entourloupes comme ça. Malin. Pour caser les films qu'on avait vraiment envie de voir. Mais c'est on accepte ça, c'est dans les règles. C'est vrai, c'est dans les règles. Et ça va comme explication du thème de l'émission, ça joue. Oui, très bien. Et puis t'as pas placé le mot vache. C'est difficile de traduire du belge vers le français, si tu veux. Il n'y a pas eu d'expression, donc pour l'instant ça va, t'inquiète. Je maintiens le cap. Okay. Et du coup, quelqu'un veut se lancer? Eh oui. Oui, j'ai dit qu'est-ce qu'on a veut, qui veut qu'est-ce commencer. Qu'est-ce qu'on a choisi? Et qu'est-ce qu'on a choisi? Est-ce que on balance les quatre films quand même? Ouais, allez. Oui, on peut. Balançons les quatre on films. Verra allez. Les, on va voir tout de suite les gens de goût et les autres. Tiens, bah Jess, tu lèves la main. Je vas-y. Lève pas la main, je suis. Bah si, on t'a vu. C'est pas possible, je vais plus oser. Non, Jess, vas-y. Non. Pour aujourd'hui, on avait choisi. Alors, Flo, tu avais choisi le film Evil Dead 3. Evil Dead 3, oui, Army of Darkness. Évidemment, je connais pas le titre en yes, français. Tout à fait. L'armée des ténèbres. Storm, ouais. Tu as choisi Demolition Man. Ouais. La finesse. Tom, tu nous avais proposé un film chinois qui s'appelle Police Story 3 Super Cop. Voilà. Ouais, c'est tout juste. À fait. Donc Police Story 3 Super Cop. Alors, à l'époque, il était hongkongais. Parce que la rétrocession de la Chine n'avait pas encore eu lieu. Oui, c'est vrai. Ok. En 97. Le saviez-vous ça explique pas mal de cinéma, histoire. Et donc, moi, j'avais choisi le film Les Aventures de Priscilla, Reine du Désert. Qui veut se lancer? Ah, moi, j'ai ouvert donc le bal le dernier coup, et du donc talon, c'est pas ce moi. Allez, moi, je me lance. Je lève la main. Vas-y, donc je me lance. Ah, voilà. Partons sur Police Story 3 Super Cop. This is Chief of Security Yang. Oh, how do you do? Kevin Chan. So you're the famous super cop from the Hong Kong police. Actually, super cops are common in Hong Kong. They almost go on trees as the saying goes. Enough fun. Our mission begins today. Chai Bot hired a gang of mercenaries to rescue Panther from the labor camp. As of this minute, you are Lin Fusheng. I'm glad that it's not another dangerous assignment. You can take it easy. Enjoy the air. Come on. This is Wusheng, our new brother. Who's the girl? Is she your wife? Hello! Brother, you're back! Why are you suddenly tagging along? I can't look after you too. They said I'm supposed to look after you. Watch out! Eh bien, c'est un film donc hongkongais, je le disais, avec la star Jackie Chan. Alors, j'ai choisi ce film parce que j'avais vu le premier Police Story que j'avais trouvé plutôt sympathique dans quand il était sorti. Pas vu le 2 par contre, mais le 3 avait d'excellentes critiques, voire pas mal de monde du Twitter ciné à l'époque disait que le 3 était peut-être même le meilleur de tous les Police Story. Je vous laisserai juger hein, si c'est le cas ou pas. C'est un film donc avec Jackie Chan et Michelle Yeoh. Et on est tous d'accord pour dire qu'un film avec Michelle Yeoh est toujours meilleur qu'un film sans Michelle Yeoh. Je pense qu'on se rejoint tous hein, sur le... Sur ça, cette... dépend, ça dépend. S'il y a Christian Clavier ou pas dedans. Ah. Ça n'existe pas, ça. Si, ou Didier Bourdon. Sur une musique de Hans Zimmer, si, ça existe. En vrai. Non. Attends, les deux sont encore vivants. Attends, non. Patience. Oui. Non, on est... pas déconner quand même. Donc je disais, film de la Golden Harvest, donc qui est une société de production hongkongaise, très connue puisqu'elle a pris son essor en fait en produisant des films d'un gars qui est pas connu du tout, qui s'appelait Bruce Lee au départ. Et qui? Bruce Lee, pardon. Je confonds toujours les acteurs et leurs copines nanardesques effectivement. Et puis à la mort de Bruce Lee, il a bien fallu remplacer la poule aux œufs d'or et trouver un remplaçant. Et leur choix s'est porté sur Jackie Chan. Donc ils ont produit un nombre de films incroyables avec lui. Et on était donc dans les années fin des années 70 avec Bruce Lee, des années 80 avec Jackie Chan. Et c'était l'âge d'or du cinéma hongkongais et puis du cinéma d'action, du cinéma de tatane comme on l'aime. Et Police Story concourt à cette débauche de peu d'effets spéciaux, mais de beaucoup de coups de pied dans la gueule quand même, il faut le dire. Voilà. Et donc, bah, Police Story 3 parle, c'est l'histoire, en fait, d'un, bah, d'un flic, de Hong Kong qui est amené à se rendre. Ah, c'est ça, Police. Ouais, bah, Police oui. Story, l'histoire, l'histoire, l'histoire de la police. Pardon, oui, oui, tout à fait. Oh, waouh. Ouais. Waouh. C'est fort, hein. Bah, on essaye. Et donc, il est flic de Hong Kong et il doit se rendre en territoire chinois. Et c'est là que le truc m'échappe. Ça y est, le cours de l'histoire m'échappe un petit peu. Pour aller choper un... Je sais plus si c'est un trafiquant de drogue. C'est un trafiquant. Ouais, c'est un trafiquant. Ouais, c'est un trafiquant des armes, ouais. Trafic de tout. Enfin, c'est, ah oui, c'est drogue le, et armes, le ouais. Elon Musk de là-bas. La panthère. C'est le Elon Musk de là-bas. Panthère. On va pas se mentir. Panthère. Mais qui joue à Tetris, ouais. Ça va. Et donc, il doit faire équipe avec une... Enfin, il va être amené à faire équipe avec une policière chinoise, jouée donc par Michelle Yeoh. Alors, le scénario est réduit quand même à sa plus simple expression, hein, parce que y a deux, trois scènes de dialogue qui essayent d'entrecouper une vingtaine de scènes de baston. Mais bon, on va pas se mentir, oui. C'est un peu pour ça qu'on va voir le film aussi, quoi. Voilà. Oui. Voilà, grosso modo, dresser le portrait de ce qu'est Police Story 3, un enchaînement de scènes de baston. Comment ? Alors, le pitch du film, bah, c'est un inspecteur de police hongkongais qui doit se rendre en territoire chinois et il va être amené à faire équipe là-bas avec une policière chinoise bah, pour mettre à mal tout simplement un trafiquant de drogue, trafiquant d'armes, enfin bref, un méchant voyou comme seul le sud-est asiatique des années 80 était capable de nous avec entendre. Avec un super nom, Panthère. Et il s'appelle Panthère. Et en plus, il joue à des jeux vidéo, parce que c'est pas bien, les ah jeux bah non, vidéo. C'est... Ça provoque la violence chez les gens. Fais attention, quand même. Oui. Ouais. Enfin, après, après, il joue à Tetris, quoi. C'est pas non plus... Mais ça n'empêche pas ça qu'il donne, tue des gens après. Ça donne raison à Yann Moix, tu vois. Ça contrebalance. Oui, c'est ça. Hein. Yann Moix, pas si con. Ah, pas si con, Yann Moix. Tu joues aux jeux vidéo, t'es forcément un caïd de la mafia chinoise, voilà. Donc potentiellement, Yann Moix avait raison, c'est un génie. Total. Allez, je vous laisse sur cette phrase. Ça n'engage que toi, bien sûr. Thomas, je peux te demander pourquoi tu as choisi ce film ? Ouais, j'ai choisi ce film. Alors, j'ai choisi ce film parce que j'avais déjà vu le premier Police Story quand on a démarré les Baby Drivers. C'était le premier film qu'on avait regardé. On avait trouvé ça sympa. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le premier Police Story, vous remarquerez qu'il y a plein de scènes qui ont été repompées après dans le cinéma américain des années 80-90. C'est assez sympa. J'avais une question, Tom, parce que bah, le premier Police Story, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Mais il n'était pas vachement plus sérieux que ça. Enfin, beaucoup plus sérieux que le 3. C'est mon souvenir. T'as quelques moments de bouffonnerie dans le premier, notamment une scène. Une scène où il est avec 15 téléphones et il est en train de répondre à 15 téléphones en même temps, on dirait Louis de Funès. Mais il est beaucoup plus effectivement beaucoup plus sérieux que Police Story 3 qui est quand même presque on va dire une comédie, un buddy movie presque personne ne meurt où tout est presque c'est peut-être le côté tatane qui veut ça, mais putain, on dirait presque à certains moments on dirait presque un Zaz hein, le film hein, le Police Story 3 quand même hein. Oui. Non, c'est clair hein, il y a des scènes t'es là tu te dis on frôle le slapstick quand même hein, c'est... dû au fait que probablement Jackie Chan est un peu un homme élastique hein, et qu'il arrive à se à se contorsionner un peu dans toutes les positions. Mais c'est rien comparé à Michelle Yeoh qui elle aussi donne de sa personne. Et comme je le disais, voilà, un film où Michelle Yeoh tatane et met des droites et des savates, forcément c'est, enfin moi ça, voilà, moi je suis client de ça, ça me plaît. Voilà. Donc j'ai moins aimé que le premier. Mais j'ai passé un bon moment quand même en regardant ce film, qui a la politesse de ne durer qu'une heure et demie, donc voilà, ça passe relativement vite. Tu t'emmerdes pas trop, il n'y a pas vraiment de longueur hein, dans le film, hein. Comme je disais, c'est quand même un film où une vingtaine de scènes de tatane sont légèrement entrecoupées de quelques scènes de dialogue, voilà, c'est... Tu sais pourquoi tu vas voir ça, et t'en as pour ton argent au final. Non, je l'ai pas vu. Ça y est. Ah, t'as vu la bande-annonce quand même? T'as vu la bande-annonce? Mais la bande-annonce, c'était sympa. Qu'en as-tu pensé, Flo? Non, bah, mais si, si, si, quand même. Non, mais je connaissais pas cette franchise de Police Story. Mais oui, non, bah, tu me mets Jackie Chan et Michel Yeoh dans le même film, tu fais, bon, bah, globalement. Est-ce que je peux être déçu? Je suis pas sûr. Et non, c'est vrai que il y a quasiment pas de temps mort. C'est ça tatane. Il y a juste si les petits moments où bon, s'il faut quand même mettre des petites touches d'histoire par-ci par-là, parce que sinon, on comprend rien. C'est juste de la bagarre et à ce moment-là, ça s'appelle le catch, hein, ou ça s'appelle même l'UFC. La bagarre, quoi. Mais ou la bagarre, tout simplement, bagarre. Mais non, tu vois. John Wick, tout simplement. Mais là où je m'attendais peut-être, c'était peut-être de plus jouer avec l'environnement. J'ai pas retrouvé forcément ce truc-là comme moi je l'attendais. J'attendais que ça joue un peu avec l'environnement et que ça utilise des objets pour balancer, etc. Et j'ai pas trouvé ce truc-là. Mais bon, globalement, si c'est juste ça, c'est rien du tout en fait. Donc non, j'ai plutôt bien apprécié le film. C'était une découverte pour toi, Flo, c'est ça? Oui, c'était une découverte, tout à fait. Storm? Moi? moi, j'étais content. Du Jackie Chan, je suis content. Au début, j'étais surpris. Alors, je me souvenais pas, je l'avais peut-être vu, mais honnêtement, je m'en souvenais pas. Et c'est vrai que quand Tom il a dit Police Story, je me suis dit, ah bah tiens, on va repartir sur un truc sérieux, parce que j'avais un souvenir du premier que j'ai pas vu depuis très longtemps, mais d'un truc pour du Jackie Chan très sérieux. Et c'est vrai que là, pour le coup, je m'étais un peu pris à contre-pied, dans le sens où je m'attendais à un policier plus sérieux, et là, en fait, non, oui, tu pars sur du très bon Jackie Chan de l'époque, quoi. Où tu es effectivement, tu vas être assez proche de ce qu'il a fait dans Marin des Mers de Chine, de ce qu'on aura dans Opération Condor ou tous des trucs comme ça. Où là, effectivement, je te rejoins, Flo, il y a plus de bagarres avec tous des objets insolites, des vélos, des volets, tout ce que tu veux. Mais non, c'est plaisant. Ça dure, comme tu as dit, ça dure une heure et demie. Les chorégraphies de combat, c'est comme d'hab, c'est du caviar. C'est top, hein. Les deux, c'est du caviar, quoi. Ah ouais, putain. Et puis comme d'hab, t'attends la fin pour voir le générique, oui, le générique bêtisier, making of, mais oui. Où tu te rends compte que justement, où tu te rends compte que c'est moi, je dois les deux, quoi. Sans peut-être reprocher quelque chose, c'est que la fin, je trouve qu'elle est un peu rushée. La scène sur le train, est un peu rushée. Ouais, c'est vrai que ça. Ouais. Ça passe la vite. Scène sur le train, c'est un peu rushé et je trouve ça. C'est peut-être parce que ça passe vite, mais c'est dommage. Ouais, parce que t'as grosse baston sur le train et puis en deux secondes, c'est résolu, paf, pof, il se retrouve bloqué, l'hélicoptère, ça passe sous. C'est fini. Ah, ok, d'accord. Ouais. Là, non, mais c'est ça. C'est vrai que pour le coup, dommage. Ça arrive un peu vite. Mais oui, non, et puis ouais, le making of de générique, comme d'hab, où tu te rends compte que c'est deux frappés, les deux, hein, pour le coup, parce qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre, que ce soit Michel Léo ou Jackie Chan, c'est des fraqués, les mecs, quoi. Enfin, les deux. Mais donc, non, hyper content, ça passe tout bien, la tatane est là quand il faut. C'est très comique, comme tu dis, on pourrait être limite sur du Zaz, effectivement, parce qu'il y a vraiment des situations complètement burlesques et complètement. Genre le coup de la grenade, c'est complètement con, quoi. Avec mais tu l'as dégoupillé puis tu l'as acheté. Oui. Ah maintenant. Enfin moi ça passe, ça marche bien. Et puis les combats. Ouais. Rien que ça, de toute façon Enfin ça passe. Tu peux pas rester insensible. C'est les Enfin Jackson, c'est ça, Jackson. Sa version congolaise, parce que à partir de quand il est passé aux États-Unis, forcément ils ont réduit énormément dans les films toute la partie baston combat, c'est moins intéressant. Mais Ah c'est sûr, oui, sa période américaine après quand il arrive, oui, c'est sûr que c'est t'es plus sur le Jackie Chan de période Hong Kong avec tous les gros classiques qu'on a tous mangé à l'époque. Et voilà, mais ça reste une valeur sûre. Il y a pas de souci, ça reste une valeur sûre. Et toi, Jess alors? Alors, moi, je vais pas vous mentir, c'était le film de la sélection que j'avais le moins envie de regarder, donc c'est celui que j'ai gardé pour la fin parce que j'arrivais pas à me lancer. C'est aussi un film que je trouvais sur aucune plateforme, même à louer, ouais, c'est incroyable. Je le trouvais nulle part. Donc j'ai dû le... Ouais, tu trouves le 1, le 2, le new, mais pas le 3, ouais. Et du coup, j'ai dû le télécharger, et j'ai dû télécharger donc une bande de sous-titres, une piste de sous-titres, si tu veux, à part sur un autre site. Et je pense que je suis tombée sur des sous-titres qui avaient été écrits par... soit un poisson ChatGPT. soit un chimpanzé. C'est méchant pour les chimpanzés, tiens. Peut-être les deux, hein. Du coup, il y a des moments où je me disais... À quoi changer ? La phrase n'a aucun sens, je comprends rien. Notamment, il y a un moment où... lui, le détective interprété par... le super cop interprété par Jackie Chan... Kevin. ...se retrouver à faire la rencontre de Michelle Yeoh. Et ça se passe en Chine, donc il parle en chinois. Et d'ailleurs, c'est le moment du film où je me dis, tiens, je reconnais cette sonorité. Et à un moment, la meuf lui fait... Il lui parle à elle quand il n'y a plus personne avec eux dans la pièce. Et elle lui dit, c'est pas la peine de parler en chinois avec moi. Et il switch sur du cantonais. Mais ça reste du chinois, tu vois. Je comprenais pas la phrase. Parce que le chinois, que ce soit du mandarin ou du cantonais, ça reste... Et pour toi, c'est un peu du chinois. Ce que je veux dire. Du coup, la phrase n'avait aucun sens. Voilà. Par le mandarin, moins que le cantonais. Le cantonais, j'y comprends rien. Donc, moi, je me rends compte qu'ils ont changé de dialecte. Enfin, bref. Mais comment te dire moi, j'avoue que j'ai pas forcément les codes pour ce genre de film hongkongais parce que j'ai pas vraiment grandi avec et je me suis jamais ruée dessus. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et pourtant, quand j'en regarde, j'aime plutôt bien. Donc, c'est peut-être une lacune pour moi à remplir et à en regarder plus. Mais c'est vrai que j'appréhendais le visionnage parce que je me dis, j'ai pas les codes. Et en plus, c'était le numéro 3 d'une série de films et j'ai pas vu les deux premiers. Je me dis, il va me manquer des trucs. Tu vois, ça va être accessible. Je crois que je vous l'avais dit. Non, hein, c'était pas... absolument pas grave de pas avoir vu. Non, ça c'est pas. C'est, ça c'est suit pas, pas, je crois. C'est les mêmes personnages. C'est pas le même, hein, enfin, voilà, c'est le même nom, etc. Mais le. Ouais. Ouais, moi j'ai pas eu l'impression c'est pas d'être canonique, donc t'as pas tu enfin tu ouais. Y a, les intrigues du premier et du deuxième sont pas n'ont pas de résolution dans le troisième par exemple, ça n'a aucune influence. Ben, le seul moment où j'ai pensé que ça avait peut-être une influence, c'est la présentation de son personnage qu'on te présente pas tellement, et il a l'air de débouler dans le film en ayant une réputation établie qui moi m'est inconnue, ouais. Si tu veux, c'est là où je me dis il me manque peut-être 2-3 trucs là, mais en soi j'ai passé un très très très très bon moment parce que j'ai adoré le rythme du film, j'ai adoré le fait que ce film en fait fait un petit peu voyager dans cette Chine qui émerge après ces années de famine et de régime autocratique. Et donc on voyage vraiment dans une civilisation complètement différente, c'est vraiment chouette. Et le film passe par plusieurs endroits, on va de la Chine du Sud... On va sur Hong Kong, enfin Hong Kong, on en voit quoi, la villa du mafieux, mais puis on va en Malaisie, on voit plein d'endroits de l'Asie du Sud-Est, c'est super chouette. Le rythme est effréné, il y a de l'action tout le temps. Heureusement que les dialogues sont pas importants vu la qualité de mes sous-titres, parce que je te jure qu'il y a une phrase sur deux que je pétais pas. Si tu veux, la trame globale, je l'ai vite comprise, parce que comme tu dis, c'est pas vraiment, c'est plus un prétexte à l'action tout le temps. On avance au niveau de la quête d'arrêter le méchant, mais c'est, on y va de bataille en bataille. Quoi, tu vois, y a que les chorégraphies sont absolument incroyables. Moi, je les trouve trop, trop bien chorégraphiées. Ouais. Toutes ces scènes de combat, elles sont chouettes. J'adore le personnage de Michelle Yeoh, que je trouve assez progressif pour un personnage des années, début des années 90, comme ça. Une femme hyper forte, bien imposée dans son métier, un métier en plus dans l'armée. Qui a des petites remarques par rapport à sa relation avec Jackie Chan dans le film, tu vois, qu'elle lui fait bien comprendre qu'elle a autant de grade que lui, finalement, elle est tout aussi compétente que lui. Bah, et puis ça se voit dès le début, elle est montrée comme clairement dominante, en fait. Mais lui, il n'arrête pas de lui envoyer des petites vannes et tout, mais elle se laisse jamais faire, en fait, elle est vraiment chouette. Tous les personnages sont assez chouettes parce que même l'espèce de mec Panther, son nom m'a fait aller. Je croyais que c'était une faute dans mon sous-titre en fait. Non, c'est Panther. Qu'est-ce qu'il s'appelle Panther, ce mec? lui aussi, il me faisait un petit peu marrer, parce qu'il avait pas l'air plus méchant que ça, comparé à son frère, qui est présenté plus comme un meurtrier au sang très très froid. Non, j'ai passé un super moment, et c'est là où je me dis, ben, peut-être que je devrais regarder plus de ces films hongkongais, en fait, de Tatane, parce que c'est un genre qui me plaît, je prends beaucoup de plaisir, je rigole plein... Bon, c'est vrai que le ton de la comédie, comme vous, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait un tout petit peu plus sérieux, sans doute. Mais moi, c'est le Jackie Chan que je connais, puisque je suis pas très familière avec les films de Jackie Chan avant qu'il aille aux States. Et donc, le côté comique, c'est quelque chose qu'il a suivi beaucoup à Hollywood. Et du coup, ça me choquait pas plus que ça. T'as mais vu ouais, des très très bon moment. Sur la période là. Ah non, mais je disais, sur la période là, oui, elle peut aller sur Marin des Mers de Chine, elle peut aller sur Opération Condor, tu peux aller sur la Hyène Intrépide, bon, c'est un peu plus vieux, mais tu peux aller sur tout ça de cette période-là. Ou bien, si tu cherches des films plus sérieux, tu vas sur du John Woo ou du Ringo Lam de cette époque-là aussi. Oui, si tu sors du Jackie Chan et que tu veux vraiment du film où ça rigole moins, voilà, tu vas sur The Killer, moi, une balle dans la tête, coup, à toute épreuve, tu vas être servi en tatane, en gunfight et. Mais c'est moins. Et ce ça sera moins comique. Ok, mais contre, ouais. C'est moins chorégraphié. Ah non, non, les John Woo, c'est hyper chorégraphié. Enfin, dans le. Ouais, c'est pas chorégraphique. Ouais. Pareil, mais non, c'est hyper quoi. Tu vas retrouver ce que tu vois dans les John Wick, en fait. Ouais, mais moi, c'est le ballet du kung-fu qui me plaît énormément dans ce film. C'est vraiment l'esthétique des combats, l'agilité de ces acteurs, parce que c'est quand même eux qui font leurs stunts, leurs... Ah oui, oh bah là, oui. Comment on dit ? Leurs cascades. Ah oui, ouais, leurs cascades, ouais, bien sûr. Et je trouve ça absolument... Incroyable. Mais ils n'avaient pas de quoi payer les cascadeurs à l'époque. Bon, moi, je mets des chaussettes et je me casse le dos, quoi. Ouais, non, mais et quand tu vois à la fin le making-of, quand tu vois qu'ils ont l'air de se faire mal, ils ont l'air de risquer des trucs sur certaines cascades, moi, je te rassure, c'est pas ils ont l'air de se faire mal, c'est ils se font mal. Quand tu vois les making-of de Jackie Chan, ouais. Tu vois Opération Condor où il tombe d'un silo de 20 mètres de haut, il se brise la moitié du dos, ouais. les côtes, c'est des fous, non. C'est réellement des dingues, les mecs. Dans Police Story 1, ça se termine dans un centre commercial, et le générique de fin, c'est le making-of des cascades dans le centre commercial, et tu vois que Jackie Chan, à la fin, quand le réalisateur dit couper, il rigole pas, hein, il est là, il dit... Putain, ça pique quand même, hein, ça fait mal là. Ah, il y va pas avec le dos de la cuillère. Allez, on la refait. Oh putain. Et c'est pour ça que les cascadeurs méritent leur catégorie aux Oscars et qu'on est juste très content d'avoir entendu que ça allait enfin arriver. Quoi. Parce que c'est merci, pas des petits merci Ryan Gosling. Ah, et... ouais. Non, mais du coup, merci Thomas, c'était une bonne découverte pour moi. Hmm. Que je n'avais jamais mais vu il y a plein film, de Golden Harvest, il y a plein de petites pépites comme ça dans le ça, ouais, ça m'a fait ça m'a ouais, fait plaisir dans de le cinéma revoir ce dans le cinéma HK de l'époque et il y a plein de trucs super sympas. T'as à boire et à manger mais tu vois t'as eu cette vague du cinéma coréen qui est arrivée dans les années 2000-2010 où ça faisait penser en fait au cinéma HK des années 80-90 parce que en fait il y a zéro filtre, ils se permettent absolument tout, ils se donnent de limites à rien et comme on le disait quoi, les acteurs font leur propre cascade à la fois parce qu'ils ont envie de les faire, parce qu'il y a probablement pas assez de thunes pour payer des cascadeurs, enfin bref voilà il y a pas trop le choix et c'est t'as cette énorme part de vérité dans ce que la caméra filme en fait à cette époque là et c'est et donc ouais t'as des films qui sont vraiment top à regarder quoi. Est-ce que toi tu es sensible au genre qu'on appelle alors en anglais c'est le wire fu, tu vois dans Tigre et Dragon héros quand ces combats un peu aériens où ils ont l'air de voler oui, de avec les câbles pas toucher le câble, ouais là. C'est ça littéralement le câble non je crois que c'était vraiment fait ça. Mais les mecs volaient vraiment il y avait pas ouais enfin moi je les vois pas les câbles donc j'en ai pas vu assez de ce genre de film malheureusement tu vois et Tigre et Dragon par exemple qui en est un exemple assez connu ben je l'ai même pas vu. T'as quoi, il était une fois en Chine non aussi? Ouais, mais c'est un petit peu moins Wire ouais, Fu. Un peu moins. Enfin, c'est un petit... Ouais, on est moins dans l'esthétique de Zhao Yimou. Mais ouais, C'est parce que moi, du coup, après, je me suis enquillée, après Supercop, je me suis enquillée Héros, parce que j'adore ce film. Et là, on est vraiment plus sur du Wirefoo, mais de nouveau avec des esthétiques absolument fabuleuses de combat et... Ouais. Mais il y a toujours, enfin, de toute façon, sur le côté Chine, il y a toujours une esthétique, que ça soit chorégraphie de combat ou même visuelle, que je trouve qui est toujours forte. Quand tu prends les Détectives D, par exemple, tu vois, c'est hyper... Moi, j'aime bien. J'avais bien aimé cette série. Et que ça soit en combat ou visuel, je trouve qu'ils ont toujours un truc qui fait... comment dire, un peu onirique, je sais pas comment t'expliquer, quand ils partent dans un peu du fantastique chez eux, ils ont vraiment un côté qui ressemble à rien de ce que tu pourras avoir sur du cinéma européen ou enfin américain, tout ça. Ils ont vraiment un style bien à eux et un visuel, je trouve, qui est vraiment typique là-bas, bah, que t'as un peu avec le cinéma japonais aussi. Et c'est, je trouve, c'est vraiment quelque chose qui dépayse beaucoup et qui apporte vraiment beaucoup sur le ressenti du film, quoi. C'est complètement parce que c'est leur culture, tu vois. Ouais, c'est ça. Si tu regardes les histoires pour les enfants dans les livres pour enfants, t'as ce même esthétique que tu retrouves dans pas mal de films de Wirefoo, notamment avec ces costumes un petit peu qui volent dans le vent, tu vois. Ouais. Et bien, ces images un petit peu de déité, enfin presque, tu vois, au niveau de l'iconisation de tes personnages. Ouais, elle flotte comme ça, t'as l'impression. Ça flotte, ouais. C'est très flottant comme esthétique. Et tu retrouves ça dans leurs cartoons, entre guillemets, puis dans les livres pour enfants, dans les fables. Donc je pense que c'est réellement ce qui fait partie de leur imaginaire collectif, alors que nous, on sera plus ancrés dans du viking, quoi, dans du... Parce que c'est notre histoire, quoi. Celui que j'avais bien aimé aussi, c'était plus récemment, c'était... comment il s'appelait ? La Muraille, je crois ? Avec... tu rigoles ? Avec Matt Damon. Ah oui, c'est Matt Damon. Ouais. Bah, moi, c'était infernal, ça. Non, moi, j'avais bien aimé, moi, ce film. Bah après, moi, il me rappelle des souvenirs d'un jeu. Ah, moi, j'aimais bien le concept avec les différentes factions d'armée sur le mur qui défendent. J'aimais bien ce concept. Après, oui, il y a plein de trucs qui vont pas dans le film, je suis d'accord avec toi. Mais le concept me plaisait bien. Puis il me rappelle des souvenirs de jeux et moi, ça m'avait bien plu pour le coup. Ok. Moi, je me rappelle qu'il faisait très très noir dans ce film, que c'était pas très lisible. Ah non, c'était ça, très moche. Les super armures rouges, bleues, vertes et tout. Je me souviens pas. Ok. Ouais, la grande muraille. C'est pas ça, ça doit être un truc comme ça, je crois. Ouais, c'était The Wall. The Great Wall. Peut-être. The Wall. Oh, je... Ah oui. Ah oui. Mais là, le visuel était top, quoi. Ouais. Mais le visuel était vraiment cool. Ou pareil, tu rentres dans un visuel qui ressemble à rien de ce que tu vois dans d'autres films. Vraiment, avec les trucs, les codes couleurs, les machins. Là, les films coréens, je mise aussi beaucoup énormément sur le visuel, il me semble. Donc, c'est un truc très asiatique. Et le japonais, ouais. Un petit peu moins, tiens. J'sais sur les robes rouges, le japonais. T'es encore traumatisé, toi. Michael Jackson. Non. Ça va. Ça me dit quelque chose. C'est le mois dernier. Rien du tout. Est-ce que vous voulez enchaîner sur un deuxième film ? On est un peu payé pour ça. Wow, comment elle propose ça ? Moi, vous avez pas... Je suis là pour faire les cafés. On l'a pas vu le café pour l'instant. Moi perso, suite à la première émission, moi j'ai touché mon chèque. Hein, monsieur, bah, pour vous, je sais pas, mais vous démerderez avec le patron. J'ai pas vu. Bah, déjà sur la première émission, on a appris qu'on n'était même pas suivi par notre propre pote. Déjà. Le salaire, on n'en est pas là. Allez. Moi j'ai envie d'enchaîner sur le film de Stan parce que j'aimerais bien garder Flo pour la fin. Ah, ok. Tu sais que ton avis dépendra de la suite de l'entre de la peur, quand même. Mon avis. Par rapport à quoi ? À l'armée des ténèbres. Ah. Oui, d'accord. Vous voulez enchaîner sur Demolition Man ? Alors, chers auditeurs, vous l'avez pas vu, mais Jess a fait une grimace incroyable. Ok, avant donc, parce que Demolition Man, c'est un gros morceau aussi, il me semble. Ah, ouais, je vais faire le mien, qui est un petit peu plus minime, je pense. Puisque moi, j'avais donc choisi Les Aventures de Priscilla, Reine Alors, du Désert. En France, c'est Priscilla, folle du c'est Désert. C'est Priscilla, folle du Désert. Bah, tu as traduit littéralement le titre américain. Mais c'est pas grave. Le Queen of the Desert. Let's go shopping. This is the story of three hard-working guys. What kind of cabaret do you do? We dress up in women's clothes and parade around mouthing the words to other people's songs. Who are about to discover... Ta-da! Been asked to do a show out of town? How long is the run? 4 weeks. That hitting the road is hard. I hereby christen this budget Barbie camper Priscilla, Queen of the Desert. Especially in heels. Sorry. Qui était donc, alors pour la date de sortie, j'ai un petit peu fait une espèce de pirouette. Oh mon chat! Personne n'a fait ça, personne ne l'a fait. Oh, c'est dégueulasse. Tu le fais, mais c'est hallucinant. Est-ce que nous on ferait ça? Jamais de la vie. C'est-à-dire que c'est en effet sorti en janvier 94 en Espagne, mais je pense que pour la majorité des pays, c'est sorti beaucoup plus tard dans l'année 94. Mais je sais pas pourquoi en Espagne ils l'ont à cause des à cause des robes à tongs. Ça collait. Oh putain, la robe à tombe, elle est exceptionnelle. Ah, on va tout de suite mettre les deux pieds dedans. Ah oui. Ah bah oui, oui hein. Parce que ça parle beaucoup de chaussures quand même. Il y a, ouais. Il y a des sacrés savates, ouais. Vas-y, Jess, parle-nous du film. Du coup, c'est une comédie, bon, c'est une comédie australienne qui a été écrite et réalisée par un mec qui s'appelle Stephen Elliott, que je ne connais pas trop et qui a pas trop fait de trucs que je connais non plus. Parce que j'avais regardé sa filmo et il a pas fait beaucoup de choses, mais il a été connu pour un film qui s'appelle Fraude. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Et Ah ouais? Bon, quand même, Fraude. Ouais, non. Du bah coup, oui, quand même. Ouais, il n'a pas fait énormément de choses que je connais. Les Balkany, tout ça. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Tu vois? J'ai déjà vu ça. Alors, je vais parler du cast parce que c'est ça qui est peut-être, non pas le plus intéressant à propos du film, mais c'est un bon cast puisqu'on retrouve Terence Stamp qui joue le rôle de Bernadette Bassinger qui est une personne trans, c'est ça, donc qui était homme et qui est maintenant transgenre, donc femme, enfin, ou en pleine transition. On retrouve Hugo Weaving, qui joue le personnage de Tick, qui lui est un drag queen. Celui de Guy Pearce, qui est aussi un drag queen, ou une drag queen. Je sais plus si tu dois dire une drag queen, sachant que c'est un homme derrière, et qui se considère pas transgenre. On te laisse tout seul dans ce bourbier. Exactement. Désolé si je l'ai mal dit. Et je vais notamment mentionner l'acteur Bill Hunter qui joue un quatrième personnage qui est quand même assez conséquent dans le film, qui est le personnage de Bob, le garagiste. Oui. Alors de quoi parle le film ? Ben, c'est un road trip, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On va suivre deux drag queens, donc Hugo Weaving et Guy Pearce, ainsi qu'une femme transgenre, Terence Stamp, qui vont décider de se rendre dans un hôtel à l'autre côté de là où ils vivent, donc ils doivent traverser tout l'outback australien pour aller faire une performance en spectacle quoi, de drag queen dans cet hôtel pour plusieurs choses. C'est ça, ils restent dans l'hôtel pendant un mois, non, une semaine, deux semaines, un c'est truc pour comme un ça. Spectacle ouais, ouais, mais c'est ils font... pour un spectacle qui a été demandé ouais, parce qu'on se rend compte non, que c'est la femme d'Hugo Weaving qui a demandé de venir qui tient l'hôtel. C'est une espèce de casino. Ce que je veux dire, c'est que le spectacle, c'est pas une seule soirée, ils le font plusieurs fois, ils vont rester là-bas. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est que pour se rendre là-bas, ils vont pas prendre l'avion parce qu'ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de thunes. Ils vont acheter un vieux bus et le retaper un tout petit peu pour le conduire eux et leur costume à travers le désert australien, quoi, l'outback. Et ben ouais, c'est un film de road trip avec ce qu'on peut en attendre. Ils vont tout au long de leur périple, rencontrer des tas de groupes d'individus et faire des rencontres parfois sympathiques, parfois moins, et possiblement trouver un arc de rédemption pour eux-mêmes. C'est toujours un peu le concept. Le truc qui était intéressant par rapport à ce film, c'est que l'histoire, en fait, ils se sont inspirés de vrais personnages, de vrais drag queens. Et à la base, quand ils avaient prévu le projet, ils voulaient engager ces mêmes drag queens pour jouer leur propre rôle dans le film, mais le projet a reçu en fait trop de thunes. Il y a trop de personnes qui ont trouvé le projet intéressant et qui ont financé le projet, et donc les studios ont déterminé que eux, ils voulaient des vrais acteurs, des noms, histoire que le projet soit rentable. D'accord. Et c'est donc pour ça qu'ils ont éliminé cette idée de finalement d'engager des vrais drag queens, et ils se sont reportés sur des plus gros noms. Pour le rôle de Tick, notamment, ils avaient pensé à Rupert Everett. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un acteur anglais. Oh, bah, ça n'aurait pas été choquant. Ben non, mais il n'avait pas été intéressé. Et, ah ouais ouais, en fait, je crois que il y avait lui qui avait été pressenti et puis un autre acteur qui avait été pressenti pour il a préféré faire Jet Set 2 et ils se sont pas trop entendus. Ils avaient aussi pensé à Colin Firth qui a pas voulu faire le projet et c'est donc finalement Hugo Weaving qui l'a eu. Terrence Stamp qui a été choisi pour jouer donc ce personnage transgenre, au début ils avaient envisagé Tim Curry, l'acteur je trouve qu'il aurait été un choix intéressant. Ouais. Parce que Tim Curry, il aime bien se transformer. Mais Tim Curry, il avait très mal vécu le Rocky Horror Picture Show. Et il avait dit que justement ce genre de rôle-là, il ne voulait plus y retourner parce que pour lui, ça avait presque été un traumatisme en fait. Ce qui peut expliquer pourquoi il n'est pas allé là. C'est possible, ou peut-être que le projet lui parlait pas, parce que même Terrence Stamp se sentait un petit peu inquiet, parce qu'il lui disait, ça ressemble à rien de ce que j'ai fait précédemment, et c'est le genre de rôle aussi où je pense qu'en tant que personne, tu te dis, je ne veux pas taper à côté, parce que je ne veux pas manquer de respect à cette communauté, pour un peu que tu sois une bonne personne. Je sais pas si à l'époque, on avait autant ce questionnement-là. Non, mais peut-être que toi, en tant que personne, Terrence Stamp, Bien sûr. Parce que tu dois quand même te mettre dans la peau de ce personnage. Donc même si t'as pas trop conscience de la communauté au sens large, t'as pas non plus envie de donner une performance qui sonne faux et qui serait néfaste. On est d'accord. Après, tout dépend aussi de comment il est écrit le personnage, parce que tu peux avoir un truc qui est carrément écrit à côté de la plaque et qui sera bof. Ce que tu peux avoir aussi pour l'époque, c'est aussi la peur de te faire cataloguer ou de te faire ça aussi. Hein, à l'époque, je pense que prendre un rôle comme ça, il y a peut-être des gens qui se disent, ça va peut-être pas être bon pour ma carrière. Ouais. Oui, c'est pour ça que moi, alors je vais expliquer pourquoi peut-être j'ai choisi ce film. Ouais. Je ne l'avais jamais vu, mais c'est un film qui revient souvent dans la conversation, on va dire, pop culturelle, entre guillemets. C'est un titre d'un film qui ressort souvent quand tu regardes des séries, alors plus destinées aux femmes, j'ai l'impression. Ou alors si tu es assez fan de RuPaul's Drag Race, je ne sais pas si tu regardais. Oui. Je ne regarde pas, mais... Non. J'avais l'impression que ce film, si tu veux, c'était un espèce de pilier incontournable... Dans la culture, quoi. Et que je ne l'avais pas vu, mais c'est un peu comme en Thelma et Louise, c'est un film que tu dois devoir à un moment donné ou un autre parce qu'il a marqué toute une génération et il continue d'en marquer d'autres et d'en affecter d'autres. Du coup, il était sur ma liste depuis très très longtemps et puis tu sais comment ça va dans la vie, parfois ta liste, tu l'abandonnes au profit d'une série qui vient de sortir sur Netflix, peu importe. Non. Et c'est pour ça que j'ai triché pour la date parce que je voulais le caser. Je crois que je l'avais tellement idéalisé dans ma tête sans vraiment savoir de quoi ça parlait parce que j'avais jamais vu aucun trailer, j'avais jamais entendu parler du film si ce n'est qu'on le nommait souvent et j'avais bien compris que c'était un... C'était juste les choses dont on t'avait parlé, où tu t'étais dit « Ah ouais, ça a l'air d'être un film... » Je savais pas que ça parlait de drag queens, savais pas que ça était en Australie, je savais rien du tout, c'est juste le titre de ce film revenait souvent dans des conversations. Et donc je me dis « C'est important, il faut que je le voie. » C'est un peu le syndrome du film, le syndrome du film culte, où t'as tout, on va dire « Ah, t'as ça, et comme dit, tu mets du temps à le voir, puis le jour où tu vois... » Tu l'idéalises, et puis au final... Oh, tout ça pour ça, quoi. Enfin, ça passe, mais c'est pas non plus... Ouais, pas forcément sur ce film-là à ce moment-là, mais ça arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé sur je sais plus quel film où on m'avait dit machin. Je dis ouais. Puis quand je l'ai vu, je fais ouf. Ouais, c'est bien. Mais effectivement, t'en entends tellement parler que tu te dis ouais, ça va être un truc, ça va être énorme. Et en fait, t'es forcément un peu déçu de ce que tu vas voir parce que tu t'es tellement fait ton schéma ou ton film dans ta tête que quand tu le vois, t'arrives à un point où c'est pas ce que t'auras envie de voir. Ce que t'auras envie de voir, c'est ce que toi t'as pensé. Et des fois, c'est compliqué sur les gros films cultes comme ça. Effectivement, oui, ça peut être, c'est pas facile. Ouais. Peut-être que ce qui m'a sauvé dans ce cas-là, c'est que je m'en faisais pas une idée précise, vu que je savais pas de quoi ça parlait. Tout ce que je savais, c'était important et il fallait que je le voie. Le problème, c'est que je pense que je m'attendais, comme tu dis, Storm, à quelque chose, à un chef-d'œuvre. J'ai pas trouvé que c'était ça. Je pense que je vais commencer par le positif, hein, parce qu'il y a des trucs qui, moi, vraiment m'ont scotché dans ce film, notamment les costumes, et ils ont reçu d'ailleurs l'Oscar pour les costumes cette année-là, Mais les costumes, qu'est-ce qu'ils ont bien cerné toute cette ambiance, toute cette scène de la communauté LGBTQ, enfin des drags surtout, parce qu'on voit beaucoup de costumes de drag. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et tu, une robe à tongs. Et tu as vraiment l'impression que toutes... Ah, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais c'est vraiment dans l'esprit drag queen, par contre. Ah bah oui, tu vois, ils ont côté... vraiment capté l'essence. Ah oui, non, mais c'est... Et j'ai l'impression que toute la mise en scène, elle est là pour sublimer les costumes. Parce que un des reproches que je vais faire à ce film, c'est que d'un point de vue technique, je trouve le montage pas très bon. Je trouve qu'il y a vraiment des coupures très abruptes entre plusieurs séquences qui me gênent, qui rendent le tout moins fluide, moins organique. Et j'ai l'impression que beaucoup de scènes sont un prétexte à sublimer des costumes. On te met une bande son et on te met un des acteurs dans un costume magnifique. Et il va flotter, tu sais, sur le toit. Les scènes de bus, ouais, ce que j'allais dire, des costumes sur le bus sont exceptionnels. Exceptionnelle, cette scène. Et ça n'a pas vraiment de connexion avec les scènes précédentes, enfin si, mais très, très largement. Et parfois, t'as des séquences tout entières qui s'arrêtent de manière hyper abrupte, hyper... sans résolution aucune. Je pense notamment à... Il y a une scène où le personnage de Guy Pearce, qui est un petit peu le personnage que j'ai le moins aimé parce que j'ai pas trop compris son arc narratif, qui n'avait aucune progression, qui restait le même du début à la fin, et qui n'avait pas l'air de prendre conscience de ses défauts et d'essayer de progresser. À un moment, ils sont dans une ville, une petite bourgade complètement paumée, et on lui fait bien comprendre, reste à l'hôtel, parce que les mecs ici, ils sont pas très, très pro la scène LGBTQ, quoi. Et... ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en full drag et il va se rendre à un espèce de barbecue où il n'y a que des mecs, des ouvriers qui sont là en train de faire la fête. Et il sait qu'ils ne seront pas réceptifs et il y va à fond et il flirte avec eux en sachant qu'ils ne vont pas aimer ça. Et bref, il y a toute une poursuite qui s'en suit. Et à la fin, il va se faire tabasser. Et cette scène, en fait, finalement, séquence suivante, on passe sur autre chose et c'est comme s'il n'y avait eu aucun effet. Que si toute cette baston, que si la scène précédente n'aboutissait à presque rien au final, que ça ne le faisait pas lui penser plus à quoi que ce soit, que ça ne le faisait pas avoir c'est de réflexion. C'est notamment sur ce personnage-là, tu veux dire que ça n'avance pas. Non, pour tout, j'ai l'impression qu'il y a des tas de scènes... C'est au niveau du montage global. En fait, c'est tout le temps comme ça. Il y a une scène au tout début où ils vont dans un hôtel avec un papier peint complètement taré, et de nouveau, ça se passe mal dans un bar... Ils sortent le lendemain matin, quelqu'un a gribouillé des trucs sur leur bus, fond du noir et on part sur autre chose. Et j'ai l'impression que j'assiste à des tas de petites scénettes. Bah, c'est ce que j'allais dire, t'as l'impression de voir un film à sketch en fait. C'est-à-dire que t'as, en sketch, je me comprends, mais t'as un format un peu type sketch de 7-8 minutes. T'as un début, une fin qu'est-ce qu'elle est, une coupure, une transition bus, t'arrives à un nouvel endroit, t'as un format sketch de 7-8 minutes où il se passe un truc. Il y a une résolution, il n'y a pas de résolution, rebus, et ainsi de suite. Un peu sur ce côté de la peinture et tout, Guy Pearce, il repeint littéralement le bus aussi pendant le film, et c'est ça qui permet peut-être de clore ce truc-là, mais effectivement, ouais, ça vient mais au niveau beaucoup de eux plus et tard leur dans le truc. J'ai l'impression qu'aucune des rencontres qu'ils font, finalement, les affecte. La seule chose qui va perdurer, c'est le personnage de Bob parce qu'il va venir avec eux. Moi, j'ai vu ça dans l'autre sens, en fait. J'ai vu ça dans le sens de c'est pas à eux de changer, c'est aux personnages qu'ils vont rencontrer qui sont un peu obtus dans leur tête, de un peu fermés, de changer, de justement les accepter comme ils sont. Mais je suis pas d'accord avec toi dans le sens où tous les trois, on nous les présente comme des personnages qui désirent changer, d'où l'idée d'un voyage, tu vois, d'un road trip. C'est souvent des personnages qui... Et du coup, tu t'attends non seulement à un voyage physique, mais à un voyage émotionnel, et tu t'attends à ce qu'ils s'en sortent grandis, peu importe leur problème de départ. Il y a quand même des seuls personnages, mais deux, et elles sont pas bien amenées. Je trouve que le seul personnage qui vraiment a un arc super, et d'ailleurs son interprétation m'a bluffé, c'est Terrence Stamp. Je trouve que le personnage de Hugo Weaving, son changement brutal et à la fin n'a pas beaucoup de sens parce qu'il n'a pas vraiment, on nous a pas suffisamment donné les clés pour comprendre si oui ou non il ressassait son passé. Il a l'air de vivre très bien ses choix et de pas vouloir changer quoi que ce soit par rapport à la relation qu'il a avec sa femme ou son fils. Et tout à coup, en fait, si. Bah, en fait, ce qu'il a, je sais pas, moi je trouve que c'est mal construit en fait. Et c'est ça que je après, c'est peut-être ce mal film. Amené, mais en fait, ce qu'il joue sur le fait que mais... bah, lui, sa seule peur, c'est que son fils l'accepte pas pour ce qu'il est. Et du moment qu'il comprend que bah, le gosse, c'est un gosse, il en a rien à foutre, c'est son père. Et... Derrière, ça se fait quand même en littéralement 3 minutes le truc. Je suis d'accord, ouais. En fait, j'accepte. Oui, c'est la bascule est rapide. Après, la seule évolution que tu pourrais. Enfin, la seule, une des évolutions que tu pourrais peut-être voir un peu sur Tic. Qui est relativement légère aussi, c'est quand au départ, justement, il dit que les gosses, ça sert à rien, les lignards, ça sert à rien, et qu'à la fin, en final, il se trimballe tout le temps avec le gosse de Hugo Weaving, il l'a tout le temps avec lui, c'est lui qui le porte sur son dos, c'est lui qui l'emmène, c'est lui ça, qui c'est le Adam, ça. C'est pas Tix. Non. Je pense que Hugo Weaving, c'est Tix. Guy Pearce, oui. On va les appeler ça, c'est simple. Oui, non, je suis d'accord, il y a des trucs qui sont bien dans ta face, ou regarde, maintenant, il aime bien les gosses, mais je trouve qu'au sens large, je m'attendais à plus de ce film. Par contre, tu ne peux qu'applaudir un film qui va mettre en lumière une communauté qui est complètement marginalisée à l'époque. On est quand même début des années 90. Mm-hmm. C'est pas facile, et c'est pas facile de le faire bien et de pas prendre un parti quel qu'il soit. Mais justement, c'est là... Vas-y. Ouais, non, et de non, juste... Non, mais Jess, fini. Ouais. De quelque part, de même de sublimer cette communauté parce qu'on te porte un regard qui ne porte pas de jugement, mais on prend quand même un parti pris plutôt positif, tu vois, pour... Pour l'époque, un parti pris positif. À l'époque où on voit ce film aujourd'hui, j'ai l'impression que l'angle de la caméra, si tu vois, il est complètement objectif, ça se dit le unbiased. L'objectif, il est objectif. Ça dépend ce que tu veux nous dire, en fait. C'est l'objectif ça, le problème. De la caméra oui nous rend une image qui est dénuée de jugement. Ah oui, ok. Que oui. On ne prend pas un parti pris pour te dire, regardez comme cette communauté est chouette, ou oh, comme elle est nulle. On est vraiment sur, mais non, on vous présente des gens tels qu'ils sont, à vous de les accepter, oui ou non. Mais je pense que c'était le but du film, et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'évolution dans leur personnage, mais plus un questionnement à se poser sur bah, les autres de la société mais qui, ça, c'est au sens à l'époque, large. Ne les acceptaient pas forcément. Bah, mais c'est au sens moins large et au sens des personnages tels qu'on nous les présente dans un film de road trip, tu veux voir une évolution de tes personnages. Si tu veux me donner plus une tranche de vie où je n'attends aucun changement, bah, alors tu tournes un film qui sera ça. Mais si tu veux en faire un road trip, il faut que ton personnage de départ puisse passer par plusieurs actes et puis puisse grandir et évoluer. Je sais pas, tu attends pas ça d'un film de road trip ? Si, t'as forcément une évolution, et ce qui est normal. Après, là, effectivement, elle est... Le problème, c'est que je pense qu'ils utilisent le film plus pour... ce que dit Flo, je suis assez d'accord avec Flo, pour dépeindre vraiment le côté de la société en elle-même, plus que les trois personnages en elles-mêmes, qui, eux, sont presque là, en train de partir de leur point A au point B, et à avoir les aventures qu'ils ont, mais sans forcément, effectivement, et aller trop loin. Et moi, je pense qu'il voulait faire les deux. Ouais, parce que et tu vois, même, même si je suis d'accord avec toi, où effectivement, il faut que... c'est un road trip, les personnages principaux sont censés évoluer, et s'ils n'évoluent pas... Quel est l'intérêt, en fait ? C'est pour ça que je te dis que j'ai des réserves. Oui, c'est sûr. Parce que je pense qu'il voulait faire les deux, et que pour moi, il ne fait qu'une des deux choses très bien. Mm-hmm. C'est ce regard plus global sur la communauté, et cette acceptation absolue d'une communauté qui est drastiquement différente de la majorité des gens à l'époque. Et sublimer ce métier. Même les drag queens de nos jours, je sais que c'est notamment grâce à cette émission de RuPaul's Drag Race que c'est de plus en plus accepté, mais il y avait quand même un regard qui est resté très longtemps... judgmental. Oui, ouais, on dit en français. Attends, je cherche mes mots là pour le coup. Le jugement. Ouais, un regard de jugement, mais oui. Ouais, mais du coup, ça marche pas. Oui, mais on a compris, on comprend le truc. Okay. On va le trouver. Communauté, mais notamment les drag queens, parce que les gens arrivaient pas à les mettre dans des cases et à dire, mais du coup, vous êtes quoi, tu vois, vous êtes homme et vous déguisez. Alors que pour, mais c'est vrai, tu vois, il y a d'autres labels qui sont plus faciles à coller sur les gens, et les drag queens, pendant très longtemps, c'est resté des points d'interrogation, et c'est que maintenant que les gens s'y intéressent plus et comprennent plus et adhèrent beaucoup plus à cette culture. Mais pour un film de 1994, de le faire aussi bien, ça, je ne peux que l'applaudir. C'est pour ça que ce film m'a plu énormément, pour les costumes et pour cette vision globale, ce regard qu'il apporte à cette communauté marginalisée. Ça, j'applaudis. Par contre, au niveau de la technique même... et de ce problème de personnages qui n'ont pas vraiment un arc qui avance, sauf celui de Terrence Stamp, là, je suis plus en retrait, tu vois. Là, j'ai plus du mal. Mm-hmm. Oui, ça peut se comprendre. Thomas, on t'a pas entendu. Non. voilà. Merci Thomas. Alors, du coup. Moi, le, j'ai pas passé un mauvais moment à regarder ce film, mais j'ai trouvé en fait, j'ai trouvé dommage qu'ils aient gardé un côté peut-être un petit peu trop rond, un petit peu trop polissé en fait dans le truc. Et qui se soit contenté de convoquer la bande son des une bande son qui claque des années 70-80 avec une effusion de comment de costumes et puis que ils en soient restés là en fait. Et tu vois le il y a une scène à un moment entre de nuit entre bah, les trois personnages principaux et puis une et puis des aborigènes qui sont au milieu du désert en train de en train de camper, de faire un barbecue, enfin bref, et c'est aussi des gens qui ont été ostracisés chez eux. Ils étaient, c'est les Indiens de, c'est les Indiens de l'Australie en fait. Hein. Ils ont, voilà, c'est, ils étaient les là avant, mais en fait, ils ont, ils sont presque marginalisés aujourd'hui. Enfin, depuis que les Anglais ont colonisé l'Australie. Et de voir des marginaux de la ville arriver avec ces marginaux ruraux en fait. Et tu aurais pu t'attendre à une séquence en fait qui te fasse un petit peu plus réfléchir sur les conséquences de cette marginalisation des uns et des autres qui finalement se retrouvent. Et puis bah en fait au final non, très vite on embraye sur du Village People et avec des costumes flashy et puis on fait une choré. Je trouvais ça dommage en fait. Bah, après où ça? Où ça marche un peu, je pense que ce qui est où ça marche, après c'est peut-être pas assez approfondi, c'est que bah, on veut juste montrer que bah, les gens qui les acceptent, oui, c'est des marginaux, bah, c'est des gens qui sont considérés comme eux. Voilà, c'est des marginaux, alors que les soi-disant bien-pensants, c'est des cons qui veulent pas les accepter, quoi. Après, derrière, après, je trouve ça un peu facile le fait de dire les marginaux sont acceptés par les marginaux, machin. Bon. Mais là où Tom a raison, c'est que ça aurait pu être l'essence d'un discours beaucoup plus profond. Tu peux répéter ce que oui, pardon, Tom a raison. Et que comme lui, moi j'ai trouvé de nouveau cette séquence arrêtée trop brusquement et on n'avait pas le temps de pondérer ce qu'il voulait essayer de nous dire en fait. Et c'est dommage. Et tout au long du film, ça. Et c'est un peu ça à chaque fois. Enfin, ça arrive, quoi. Et c'est dommage en fait. Tu vois, je me suis dit. En fait, s'ils avaient. Alors, peut-être qu'ils ont voulu rester dans cette sobriété. Parce que justement, ils voulaient pas non plus comment. Et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ils voulaient pas aller trop loin dans la caricature. Donc ils ont voulu rester sur ce qu'ils ont fait. Mais je pense qu'on était pas très loin d'avoir un film complètement what the fuck s'ils avaient poussé un peu plus les potards au-delà du raisonnable. Allez. Ah, et on aurait peut-être eu quelque chose qui continuait à rendre hommage à la communauté LGBT, mais en plus avec un film qui pour le coup aurait explosé dans tous les sens. Et c'est un peu le reproche que je lui fais, c'est qu'en fait ils aient pas osé assez aller assez loin en fait. Mais autrement, j'ai comme je disais, j'ai pas passé presque tous les films qu'on a regardés, j'ai pas passé un mauvais moment. Donc voilà. Oui. Est-ce que c'était une à part Demolition Man, j'avais pas vu les trois autres. Donc moi j'en avais vu aucun today, c'était tous des découvertes. Wow. Ouais. 93, t'avais jamais vu des. On en reparlera tout à l'heure de Demolition Man. Waouh. Mais non, moi j'étais content de le revoir, sachant que c'est un film que j'avais vu il y a des années. Et déjà, ce qui est cool, c'est... je pense que c'est un film que j'ai vu il y a plus de 25 ans. Et pour le coup, je suis content parce que je pense que je l'ai complètement vu différemment de ce que j'ai pu le voir il y a 25 ils ans. Pas, des souvenirs ils l'ont passé que j'en quand avais au cinéma de ton village? Alors là, pour le coup, j'y étais pas encore. C'était quand on va passer celui-là, c'est sûr que j'y étais pas encore. Honnêtement, j'étais content de le revoir. En plus, je l'ai regardé avec la femme, donc on était bien contents. J'ai passé un bon moment. Effectivement, je suis assez d'accord sur tout ce que tu dis ou tout ce que Flo ou même Tom rebondit, hein, parce que c'est vrai qu'on s'est pas rebondi dessus encore aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a des trucs. Le côté, peut-être, ouais, certaines histoires inachevées, comme par exemple, bah, quand tu parles des aborigènes, quand t'as l'aborigène qui s'habille comme eux, que tu sens que le mec est très certainement attiré par ce bord-là et tout. Et c'est vrai que tu peux te dire, moi, je pensais qu'il partirait avec, tu vois. Que, justement, que presque à la limite, j'aurais presque aimé ils partent à trois, puis au fur et à mesure de leur rencontre, ils récupèrent quelqu'un en plus à chaque fois, tu vois, un peu le côté. Et puis qu'à la fin, ils arrivent sur un truc, ils soient pleins, et puis qu'ils. Voilà. Après. Ouais, il aurait certainement pu être poussé beaucoup plus loin. Après, là, je pense que l'époque joue, tout simplement. Et puis, comme tu dis, il y a du pognon en jeu. C'est des risques financiers. Donc, à ce moment, je pense qu'arrivé à un moment, on se dit, bon, on va pas pousser trop loin. C'est peut-être son détail. C'est un succès surprise. Hein, il s'y attendait pas. Mais le film, honnêtement, est quand même cool. Hein. Il passe bien. Tu t'emmerdes pas. Il est très bien. Il y a des super vannes. Franchement, il y a des moments où vraiment tu ris cool, quoi. Genre le coup de la femme thaïlandaise avec les balles de ping-pong, hein, puis c'est exceptionnel ça. Ah oui, putain, c'est exceptionnel ça. À quel moment vous avez compris que ça allait être ça? Très rapide. Moi je l'ai compris très rapide ce truc-là. J'ai les connaissances des bars thaïlandais. Je l'ai compris dès le début parce que je pense que dans le film South Park, c'est un genre de référence. Je pense que oui, effectivement, ils doivent... Mais quand elle ouvre ses placards dans la cuisine et que t'as 1000 balles de ping-pong qui tombent, je me suis dit, j'ai vu ça, j'ai fait, oh putain, c'est de là que c'est tiré. Oui, parce qu'il a influencé la pop culture, hein, ce film a influencé grandement la pop culture. Oui, bien sûr. C'est une évidence. Et au-delà même. Et après, donc voilà, il a des très bons points de comédie qui marchent vraiment bien. Et comme tu dis, Jess, visuellement, il y a des trucs qui sont super. Je veux dire, les costumes, t'es là, t'es waouh. Et après, t'en arrives au point à quand ils vont revenir à chaque fois, tu dis, putain, ils vont avoir quoi comme costume ce coup-ci ? Qu'est-ce qu'ils vont sortir, quoi ? Et c'est top. Je veux dire, le costume quand ils sont au-dessus, quand ils sont au-dessus du bus, non. Enfin bon. C'est un truc de dingo. Cet énorme truc qui flotte dans l'air, ça fait 30 mètres de long, enfin c'est n'importe quoi. C'est génial. C'est un truc de fou, quoi. Pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, dans le cortège, il y avait une chaussure à talons aiguilles géante. Hommage à hommage à celle qui bien était sûr. sur le dessus du bus. Donc tu vois, quand on dit que ça a influencé la pop culture, ça a même été au-delà de la pop culture, tu vois, parce que c'est un symbole aussi en Australie, ce film. Oh, je pense. Est-ce que vous l'avez en VO. Vous l'avez vu en VF ou en Ouais, VO moi je l'ai vu en VF. VF. Ouais, VF. Ok. Parce que je sais, en VO, je sais pas ce que ça donne. En VF, c'est Emmanuel Curtier. Et Richard Darbois. Oui. Double Guy Pearce. Et je sais pas. Ouais. Non. Alors c'est. Non, je crois non, que c'est. Non, je déconne. Alors, c'est crois... parce que. Attends. Je déconne. C'est Jean-Claude Brialy pour. On a toujours Richard Darbois. Le Cassie. qui arrive à un moment au doublage. Non, mais le Cassie. Le casting, non, il arrive après. Le casting vocal, il est français, il est bon. Après, je sais pas si ça joue un petit peu sur ce truc où Emmanuel Curtil, effectivement, il parle un petit peu comme ça, tu vois. Ouais, est-ce que Guy Pearce, il féminise beaucoup son propos quand il parle? Est-ce que un peu, ouais. Ouais, il surjoue un peu. En vrai, il surjoue pas. En vrai, super bon. Non, mais il surjoue dans la voix. Il est ultra féminisé hein, dans ses paroles, dans ses mimiques. Donc, bon, bah alors que Hugo Weaving est vraiment reste très masculin. Oui, pareil. Là. Oui, mais c'est ça. Ouais, bah, donc la VF est bonne. Elle est bien adaptée. C'est ce que je voulais savoir. Guy Pearce est vraiment une folle, en fait. Dans le. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Je trouve que Guy Pearce, alors il est plus efféminé que Hugo Weaving, mais je dirais pas du tout qu'il est une caricature. J'ai de pas gay, dit que c'était une caricature. J'aime pas cette appellation. Non, mais alors quand on traite un homme de folle, je vois directement, je pense à une caricature spécifique. Je pense à un truc aussi. Je trouve pas. Il est ouais, plus ça efféminé. Ça se fait pas, Tom, de traiter les hommes comme ça. Mais il garde un certain côté masculin aussi. Il est pas. Je sais pas comment t'expliquer, c'est parce que je regarde beaucoup d'animes, d'émissions où il y a des caricatures de gays, etc. Je trouve ouais, pas qu'il est dans la caricature. Ce qui est rigolo, c'est que celui qui pourrait garder le côté masculin, c'est Bernadette, tu vois, d'un certain point de vue. Ouais, justement, c'est sur ce côté-là où je voulais en venir, c'est que moi, je trouvais que le jeu du doubleur français était un petit peu trop caricatural par rapport à ce que peut-être la voix originale et le jeu de Guy Pearce pouvaient donner. Donc, je sais pas, parce que dans son jeu, il est quand même... Il a bien étudié son caractère. Tu vois ce que je veux dire ? Il a vraiment pris des maniérismes qui sont... Alors, ça, je me lance dans cette phrase, mais qui sont propres à peut-être une personne de cette communauté ou qui, certainement... Wow. Moi, je sais ce au que niveau des Drag Queens, en regardant, tu vois, en regardant cette série RuPaul Drag Race, il agit exactement comme... Il pourrait parfaitement faire partie du cast de cette émission, c'est ça que je veux dire. Alors que Hugo Weaving, tu sais pas trop... Il a un petit peu quand même. Mais Terrence Stamp, je suis d'accord quand vous dites que c'est parfois c'est lui qui est le plus masculin des trois. Pas tout le temps, parce que non, c'est aussi le temps, plus fragile parfois, souvent. Mais de l'autre côté, c'est en même temps. Dans la réflexion qu'il a de manière permanente, effectivement. Oui. Mais lui, je trouve qu'il a une très très belle évolution de personnage. Et c'est son personnage m'a énormément touché. C'est le meilleur perso. Ah non, Bob est génial. Oui, bah oui, il est cool, mais ouais, non, pour moi, Bernadette, c'est le meilleur personnage. Après, moi, je trouve que c'est là où on trouve vraiment l'inspiration de Gad Elmaleh pour Chouchou, quoi. Oh bah... Waouh. Déjà, on était déjà dans le plagiat. Mais toi, t'en pensais quoi, Flo, c'était une première fois pour toi, ce film ? Oui, c'était cool. tout à fait, c'était une première fois. Je me demandais ce que c'était, parce que effectivement, hein, comme on l'a dit, ça a eu un impact dans la pop culture, et je me suis dit, putain, j'en ai toujours entendu parler de ce film, mais vraiment, sans me renseigner de quoi ça parle. En fait, je me suis rendu compte, que le nom, c'était le nom du bus, en fait, au final. Et j'ai trouvé ça effectivement au niveau des costumes, au niveau des numéros chantés aussi, j'ai rien à dire. Mais effectivement, l'histoire derrière, où c'est juste, ils partent d'un point A, ils vont à un point B, quasi tous les persos principaux n'ont pas d'évolution, et c'est ce que je disais, moi c'est plutôt comme ça que je l'ai ressenti, c'est à la société de s'adapter à eux, plutôt que à eux de s'adapter à la société. Moi, c'est pour ça que je l'ai plus compris comme ça, parce que je voulais pas me dire, en fait, c'est un film où les persos principaux, limite, servent à rien. Ils sont là, ils font juste un trajet. Et puis, quand j'entends road trip, je pense pas à un road trip pépère où il leur arrive quasiment trois fois rien, quoi. Parce que, un peu plus péchu quand même, tu vois. Après, c'est là où c'est. Louise, quoi, tu vois. C'est là où c'est autre chose, c'est que quand tu fais un road trip en France, effectivement, t'es embourbé dans le Massif Central. T'arrives à Aurillac, t'as des villages. Mais ouais, oui, c'est chaud. Mais quand t'es dans l'outback australien, tu dois faire 5000 km pour trouver. Ils cherchent aussi. À un moment, ils ont une route et un chemin en terre, et ils prennent le chemin en terre. Ouais. Donc, et bizarrement, ils ont un problème de moteur derrière. Hein ? Je dis ça comme de par hasard. Ah bah ça. Comme par hasard. Moi, j'attendais qu'une chose, c'est que Mick Taylor, il vienne les dépanner, tu vois. Oh god. J'avais pas la ref, désolé. Ouais. Ok, d'accord. Et je voulais juste rajouter un bémol qui, moi, m'a dérangé, c'est que quand il y a des numéros de danse, certes, les costumes sont magnifiques, par contre, tous les trois, ils savent pas du tout danser, et pourtant, des drag queens, ça danse tellement bien, et je trouve dommage. Ils savent pas danser, mais le lip-sync est bon, plutôt... Le lip-sync est correct, pas mal, mais la bon. Danse, excuse-moi, les costumes mais ils font trois sont pas bons, de côté, la danse, pas devant, et la ça, danse, c'est un peu on nul. Est d'accord, on est sur de la chorégraphie basique de chez et ça me gâche les numéros en fait, parce que j'attends tellement plus de drag queens. Mais c'est parce que t'as vu Police Story avant. Tu vois, c'est aussi le problème de leur budget qui devait être serré. Enfin, je lisais, c'était $2 millions le budget, donc forcément, forcément ça a dû réduire en pré-prod leur temps forcément de travail pour eux d'apprendre à danser ou à chorégraphier ce genre de truc. Ça a dû être réduit à sa plus simple expression, évidemment, donc forcément c'est pas mais je pense qu'aussi parce qu'à la base ils avaient prévu d'engager des vrais drag queens, peut-être qu'ils s'étaient laissé très très peu de temps en se disant c'est pas grave, elles sauront faire un numéro, et finalement ils ont dû changer pour des vrais acteurs, et comme tu dis à ce moment-là c'était trop tard. Mais c'est dommage parce que un spectacle de drag queen, c'est quand même fun, et elle danse bien, et le lip sync est cool, et les costumes sont magistraux. Et ici, à la fin, particulièrement à la fin, parce que c'est l'acheminement de tout ce road trip, et j'espère que ce spectacle va en valoir la peine. Et les costumes, oui, il est pas foufou, la danse, le spectacle, quoi. Beaucoup moins. Et tu il vois. Est pas. Non, bah, pas après, top, on voit top. Peut-être pas. Il y a peut-être eu de la scène coupée, du truc, on possible. A peut-être pas tout vu non plus. Mais... Parce que c'est vrai que c'est assez. Bah, c'est mou du genou. Un petit peu décevant. C'est quoi. Minime, hein. Voilà. Ouais, c'est, un ouais, petit c'est peu mou du genou, et puis on voit que le début. En fait, tu vois plusieurs, voilà, plusieurs okay, représentations, bon. C'est la même musique, mais avec 7 ou 8 fois différentes, en fait. Puisque tu le vois, ils changent de. Enfin, les costumes ne sont pas les mêmes, etc. Mais effectivement, ça. Ouais, après, tu te dis si ça a dû être compliqué quand même, c'est que tu vois qu'ils ne sont pas habitués à porter des costumes comme ça. Il y a des moments, tu sens qu'ils galèrent avec les costumes quand même. Quand t'as les perruques gigantesques et tout, tu sens que ça ose pas trop bouger parce qu'on se dit je vais tomber soit devant, soit derrière. Après voilà. C'est... Mais je trouve que c'est quand même un film impactant, surtout quand remets-toi à l'époque pour la génération qui se sentait marginalisée, voir ça. Sûr. Tu te dis finalement il y a une œuvre qui nous parle à nous, tu vois, ça doit être génial. Et ça, ce film le représente très très bien. Je suis très très contente de l'avoir vu, mais je pense pas que c'était le chef-d'œuvre auquel je m'attendais, malheureusement. Mais c'était une bonne découverte comparée à la semaine passée où j'étais assez déçue de mon choix. Cette fois-ci, il y a beaucoup moins. Donc je résume, la danse, c'était ton bémol, c'est ça? Yes. Oui. Oui, et l'aspect de la technique, parce que trop de coupures un peu abruptes avec des fondus noirs ou des trucs chelous, et puis ces arcs narratifs qui ne progressent pas assez, sauf celui ton, de Terrence Stamp. Et ton amol, c'est quoi alors? J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mon amol. Oh, tout ça pour amener ça, hein, quand même. Oh, et ta mimol, c'est quoi? Oh non. Oh, wow. Wow. Je mettrai le jingle blague. Je pense que... Je pense Merci, que Jess. On y a déjà eu droit plus de fois qu'au dernier épisode. Est-ce que ça vous tente qu'on passe au film d'après? Moi, ça non. Celui, alors, vous voulez faire Storm ou Flo en premier? Vous voulez finir sur le. Moi, je veux finir sur. Je veux finir sur Jacques Addy. Ah non, sur Simon Says. Ah, Simon Says. Allez. Donc on part sur. Ok, donc on fait Flo d'abord. Ok, ça roule. Vous croyez avoir vaincu le mal. Mais Ash va découvrir que le mal vit encore. Au 14e siècle. J'ordonne qu'on le mène à la trappe. C'est un homme courageux. Tu me fais un effet d'enfer. Un homme d'honneur. Tu avais juré de me chérir. Tu sais bien qu'il y a des moments où on parle trop, ma belle. Un héros moderne. Beau travail. Prisonnier d'un autre siècle. Ceci est une baguette magique. Il n'a qu'un moyen de rentrer chez lui. Quand tu auras été chercher le livre dans l'abîme, dis la formule Klaatu, Verata, Nectu. Ça y est, je la sais. Klaatu, Verata. Mais... Ce n'était pas la bonne formule. En toussant, tu as réveillé l'armée des morts. Il va devoir affronter l'inimaginable. J'ai choisi cette merde, moi effectivement Evil Dead 3. Là, t'as pas choisi, tu me l'as honteusement volé. Parce que volé. Je t'emmerde donc. Voilà. Oui, alors je te l'ai volé. Excuse-moi d'avoir été plus rapide. Ouais. C'est ce qu'elles me disent toutes. non, j'ai choisi ce film parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Evil Dead et je m'étais aussi fait. Enfin, ça remonte à il y a quasiment 10 ans maintenant, la série Ash versus Evil Dead, et j'avais adoré. Donc je me suis dit, bah tiens, l'occasion est là, prenons un Evil Dead, et faisons un petit peu, découvrir. Je me doutais que Storm, lui, connaissait déjà. Je pensais que Jess connaissait, mais au final, c'était une découverte. Et Tom, je m'en foutais un peu. Fair enough. De toute façon, je savais. Mais je me suis dit... Mais je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Donc ouais, effectivement, Evil Dead 3, l'armée des ténèbres, c'est un film de Sam Raimi, hein, à qui on doit aussi la trilogie Spider-Man, la puis, première Evil avec Dead 1 et 2 peut-être Goyer, aussi avec Bruce... Ouais, Darkman, enfin... Oui, Darkman, enfin il y en a... Oui, mais bien sûr, mais à qui on doit notamment la trilogie, en plus de la trilogie Evil Dead et ses suites aussi, mais je crois qu'il était qu'en producteur exécutif sur les suites, il me semble, je sais pas. Les suites 2. Sur les suites après Evil Dead 3. Sur le Rise et puis sur le reboot, ouais, je crois il me semble qu'il était que après, exécutif. Ouais, il y a son nom qui apparaît, mais oui... Après, c'est un reboot ou c'est un soft reboot, sachant que à la fin, je crois qu'il y a Ash qui apparaît ouais, dans une scène post-gen. C'est pas, ouais, c'est pas qu'il apparaît, c'est tu l'entends, je crois, qu'il dit groovy. Mais ouais. Après, on pourra en causer après, mais parce que oui, à un moment, ils étaient en pourparlers pour essayer de réunir les deux univers avec Mia et puis Ash pour faire un film en commun, une espèce de Ash versus. Ash versus The World. Mais en tout cas, ça raconte l'histoire d'Ash Williams, joué par Bruce Campbell, qui est dans sa cabane, la cabane au fond du jardin, et qui se fait transporter au Moyen-Âge. Il se fait transporter au Moyen-Âge et il va chercher par tous les moyens à retourner chez lui. Mais les villageois, le peuple qui l'attend là-bas n'est pas vraiment d'accord puisque eux ont affaire à des démons et il va falloir peut-être un petit peu les aider. Sinon, voilà, les cadavéreux. Effectivement. Donc voilà. Tom, vas-y, balance direct. Film. Ouais, j'ai pas aimé ce film. Non. Comme ça, on sent. C'est vrai. Alors. Mais pourquoi? Déjà, je nourrissais pas de grands espoirs parce que c'est vrai que je suis et vous le savez. De toute façon, on a fait suffisamment d'émissions ensemble. Vous savez que c'est pas mon. Oui, tu déjà. Rien. Et encore moins ce genre très très spécifique. Alors je m'étais pas dit ça, sachant que moi non plus le genre horrifique est pas forcément mon genre préféré, mais les films Evil Dead plus la série j'ai adoré parce que ça tire plutôt sur l'humour noir vraiment à fond que sur enfin surtout le 3 que sur l'horrifique. Je vous avais demandé, j'ai dit, si on n'a pas vu le 1 et le 2, est-ce qu'on peut regarder le 3? Vous m'avez dit, ouais, vas-y, sans problème, machin. Bon, je pense que peut-être qu'un visionnage du 1 et du 2 avant n'aurait peut-être pas été de trop. Ouais, au moins du 2, parce que le 2, c'est du premier avec un peu plus de. Au moins du 2, parce que c'est là où ça explique la main manquante. Ensuite, voilà, le film démarre. Oui, voilà. T'as un résumé de 2-3 minutes, effectivement, qui te synthétise tout ce qui a dû se passer auparavant. Et c'est là que je dis, il y a il y a Bridget Fonda. Et puis, non, finalement, il n'y a pas Bridget Fonda. Bon, dommage. <C'est>, voilà, désolé. Ça arrive donc au Moyen-Âge, je me dis bon ok, ils ont voulu se faire un trip, voyage dans le temps, tout ça machin, j'ai déjà vu Les Visiteurs, c'est sympa, ouais, non, ça va être que des attaques. Ah, mettre Les Visiteurs au niveau des ça va être des attaques, c'est dur. Ça va être des attaques gratuites, désolé les enfants. Et puis alors, on est sur un niveau de bouffonnerie incroyable. Enfin, je sais pas si les autres épisodes étaient de ce type-là, mais enfin. Mais là c'était voulu. Le premier est beaucoup plus sérieux, le 2, il y a déjà des passages un peu plus où ça. Ouais, c'est ça. En fait. C'est vraiment le 3 où tu rentres dans le décomplexé total. C'est ça, le premier, on est vraiment sur un truc vraiment, on va dire, entre guillemets, serious business. Et après, au fur et à mesure, ça commence à aller un petit peu plus sur ce côté Et là, je me suis dit, putain, j'aurais bien aimé avoir quelques potes à la maison pour qu'on regarde ça ensemble. Parce que, pour moi, on était dans le nanar le plus pur, en fait. Pour moi, ce film, c'est un nanar, quoi, en fait. C'était t'as l'impression de gag fait avec la meilleure volonté du monde et que c'est comique sans vouloir l'être et donc moi je dis putain c'est vrai c'est des bouffons quoi et j'ai eu du mal à croire que c'est un mec comme Sam Raimi qui a fait ce film là parce que la photo est dégueulasse, le montage je l'ai pas trouvé top et puis ce qui se veut derrière, je vois Storm qui est pas content mais contiens-toi encore quelques minutes Storm, tu vas pouvoir me décalquer la gueule après t'inquiète. et alors ce qui semble être un hommage pour moi se transforme en un énorme plagiat. C'est la levée de l'armée des squelettes, quoi. C'est Jason et les Argonautes. C'est ce que je me suis dit. C'est tout à fait assumé. Mais en moins bien fait, quoi. Alors que Jason et les Argonautes, ça date des années 50. Donc, bon. Voilà, ça. Tout ça m'a pas emballé. J'ai subi le film du début à la fin, et donc oui, forcément, je l'ai pas apprécié peut-être à la juste valeur du cinéma horrifique, mais qui pour moi, voilà, n'est pas un truc qui me plaît de base et qui m'attire de base. Donc forcément, il faut vraiment qu'il y ait un matériau hyper bon et qui me capte dès le départ pour que ça fonctionne. Sinon t'as quasiment aucune chance de m'avoir avec ce genre de film. Voilà. Désolé, j'ai pas aimé. Tu vas adorer l'épisode où Storm a choisi la maison des probablement non. Tiens, bah, Jess, Storm... Non, mais moi... j'ai vu que Storm trépidait d'impatience. Ouais, ou Storm, vas-y Storm. Non, c'est pas ça. C'est... Effectivement, au niveau du montage, au niveau des trucs, mais le problème, c'est que c'est pas forcément imputable à Sam Raimi, parce que le cut final, ouais, c'est pas lui qui l'a fait au départ, c'est les studios. Rien que la fin, c'était pas celle qui était prévue au départ, et c'est les studios qui ont demandé à retourner une fin, parce que normalement la fin originale, elle était vachement plus pessimiste. Alors qu'on en est au troisième épisode, que les deux premiers ont été des succès, et il a pas pu faire ce qu'il voulait. Ah, c'est Barjo aussi. Hein. À la fin, non, ça a été compliqué. Non, parce qu'en fait, il y a eu des soucis avec le premier studio, il me semble. Tu m'arrêtes si je me gourre, mais c'est Universal qui a racheté la franchise et qui a pas forcément voulu mettre trop de billes dedans, parce que c'est John Di Laurentiis. Dino De Laurentiis, ouais. Dino De Laurentiis qui voulait. Enfin, entre les deux, ça clashait. Du coup, c'est ça qui a fait que le film a pris déjà un peu de retard. Il devait sortir un petit peu avant, et au final, le montage, c'est pas forcément Sam Raimi qui l'a fait. Ouais. Mais de toute façon, ça a souvent été le problème avec Sam Raimi, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Tu prends Spider-Man, hein, la trilogie a rapporté des millions, et pourtant, sur le 3, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de 4. Ah ouais, bah non, on l'a obligé à rajouter. Il faut que tu mettes ça, et pourtant, le mec sortait de deux films à quasiment 1,6 milliard au box-office, quoi. et le mec, donc il a toujours eu souvent des problèmes, et là, ouais, le cut final, il ne l'a pas. La fin, normalement, devait pas être ça, donc Ash devait se réveiller dans un Londres post-apocalyptique où c'était le dernier survivant, parce que comme c'est un connard, il s'était loupé sur les gouttes à mettre dans le flacon. Et ils ont dit trop négatif, il faut pas une fin comme ça. Au final, la fin est assez positive, mais mine de rien, c'est négatif, parce que tu le vois, il est toujours dans son job de petit vendeur. C'est Ash, hein, c'est un loser total. Mais c'est vrai que la vision post-apo et tout, je l'ai vu cette fin-là, c'est plutôt... tu fais « Ah oui, c'est une autre saveur, quoi. C'est autre chose. Bah, » Même quand il se retrouve à la fin dans son ancien job, il y a quand même des êtres possédés qui reviennent. Oui. Mais parce que comme d'hab, il s'est encore planté sur ce qu'il fallait faire. C'est H, quoi. Ouais, mais du coup, c'est pas hyper positif, parce que nous, on sait ce qui va suivre. C'est plus positif que la version qui était prévue de base par Sam Raimi. En gros, il crevait à la fin du 3 dans la version de base. Il se retrouvait sur un monde où c'était le dernier survivant, quoi. Il n'y avait plus personne, et à part des démons, quoi. Alors que là, tu lui laisses une porte de sortie où ça va devenir un espèce de pseudo-héros qui est hyper bien dépeint dans Ash vs Evil Dead. Tu te rends compte que le mec, c'est un loser total. Enfin, c'est le pire entier. C'est un blaireau. Monde, ouais. c'est fou. Après, voilà. Après, moi, sur l'écriture, où je suis pas d'accord avec Tom, c'est que je trouve que l'humour marche bien, parce qu'il y a, vraiment des vannes qui marchent tout le temps, quoi. Il y a tellement de vannes en arrière-plan ou en arrière-dialogue que tu prêtes pas forcément attention sur des trucs à la con. Enfin, après, ça reste de l'humour, je suis d'accord. C'est subjectif. Tu t'aimes ou t'aimes pas. Souci avec ça, hein, sur l'humour. Et c'est surtout qu'on est en 2025. Si t'as vu d'autres films qui ressemblaient ou qui se sont inspirés de ça depuis, forcément, ça te semble un petit peu dépassé. Mais non, quand tu le regardes entre guillemets dans son jus sans prêter attention à ça, ça va, moi je trouve. Ouais, moi je trouve qu'il y a des vannes qui marchent bien, quoi. Il y a des trucs, mm-hmm. ça marche. Et puis après, moi, c'est un film que j'ai vu, j'avais 13 ans, hein. Je l'ai vu au Cinoche quand j'avais 13 ans, donc c'est un film qui m'a marqué à l'époque quand j'étais gosse, quoi. Je me souviens de l'affiche de Evil Dead 3, elle est exceptionnelle, quoi. Lui sur le mm-hmm. avec la gonzesse, la tronçonneuse sur la bagnole, avec le château, enfin c'est le visuel était très fort. Et puis c'était vachement osé effectivement après Evil Dead 2. Bon, en sachant que normalement Evil Dead 3, ce qu'on voit dans le 3, ça aurait dû être le 2 en fait au départ. Et oui, c'est ça. Problème de pognon, hein, parce qu'à l'époque ça coûtait beaucoup trop cher, donc ils sont pas partis là-dessus. Ils ont fait un espèce de soft reboot du premier. Et le 3 est venu bien après, quoi. Mais moi, pour moi, ça marche. L'humour marche. Je trouve que les persos... Enfin, Ash, Bruce Campbell, il est exceptionnel. Enfin, moi, ça, je trouve trop fort, cet acteur. Il cabotine comme pas deux. Il n'y a pas à chier, mais il vend tellement tout ce qu'il doit vendre, quoi. Enfin, je le trouve super. Définition du cabotinage. Bruce Campbell. c'est Bruce Campbell, vraiment. Et ça marche, quoi. Sur lui, je trouve que ça marche, en tout cas. Ça ne me dérange pas, parce que... De toute façon, son perso est comme ça. Ash, c'est ça, c'est un con, c'est un imbu de sa personne, c'est un putain d'égoïste, c'est limite un lâche, c'est le portrait du loser total. Et le mec s'en sort et il arrive encore à se faire passer pour un héros. Bon, ça marche pas très longtemps, mais moi je suis content. Après, moi je m'en fous, c'est une trilogie, je revois tous les ans, donc je m'en fous. Alors, je l'ai vu pour mon année, je suis content. Et puis voilà, quoi. Flo, pourquoi tu as choisi ce film ? Je ne sais pas si tu as répondu. Parce que le supermarché était fermé. Disais, ça, et ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Et... Non, ça faisait vraiment longtemps que je ne les avais pas vus. Et en fait, en regardant la sélection des films, j'ai regardé les sorties France, et c'est un des films que j'ai vus, j'ai fait « bah oui, bah directement en fait ». Parce que je le connaissais et je me suis dit « bah oui ». Moi, je sais que je vais passer un bon moment. Après, les autres... Bon, Tom, je sais que non, forcément, parce que par définition, il passe toujours des mauvais moments. Si, il a dû aimer la BO, Tom. Normalement, la BO, ça va. Ah, la BO, oui. Ouais, non, en gros, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est parce que je connaissais la qualité de ce film et je savais que j'allais passer un bon moment. Voilà. Est-ce que pour toi c'est le mariage comédie et horreur qui fonctionne ? Ouais, oui. C'est ça que t'aimes bien en fait. Okay. Ah ouais, moi c'est ça que j'aime bien, ouais. Et est-ce que tu retrouves, parce que j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu cette trilogie, donc est-ce que tu as vu les 3 et est-ce que tu retrouves j'ai ce vu même les 3, esprit ouais. dans les 3 ou est-ce qu'il y en a un non, des... non, le premier, ah non, justement, moins... le 3 vraiment, comme disait Storm, c'est que le premier, on est vraiment sur un truc. Plus sérieux, plus prom dog. Le deuxième, ça commence à rajouter. Enfin, il reste trash, ouais, mais c'est un peu un soft reboot, voilà, machin. Il y a des points d'humour. C'est trash, mais il y a des points d'humour. Il y a des trucs où c'est un petit peu absurde. Et le 3, en fait, c'est l'alliance des deux où c'est vraiment, mais c'est roue libre totale et let's go. Parce que je te connais un peu, t'es pas très horreur. Comment ça se fait que t'avais accroché à la saga parce que le premier, justement, comme tu viens de le dire, est moins drôle. Qu'est-ce qui t'avait accroché là-dedans ? Eh ben, parce que au départ, j'avais découvert la série surtout, Ash versus Evil Dead. D'accord. Et en fait, c'est juste tellement absurde les explosions d'hémoglobine. En fait, c'est tu te dis, ils ont un budget hémoglobine mais de malade mental. Et en fait, ils jettent des seaux littéralement à la gueule des acteurs. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pourquoi j'ai pas vu les films avant, c'est trop marrant. D'accord, c'est donc la tu série. L'as après, ça, en fait, j'ai fait l'inverse. Après, en fait, la série, ouais, j'ai fait la série et jour, après j'ai. C'est le prolongement. J'ai fait mais c'est trop bien en fait. Et quand je commence une série que j'aime bien, en fait, j'aime bien explorer un petit peu tout le lore du truc pour comprendre la mythologie et comment ça s'est passé, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais les regarder. Et donc, c'est aussi ça qui m'a amené. Mais c'est aussi parce que j'ai aimé la série. J'aurais pas aimé la série, j'abandonnais au bout de deux épisodes et puis basta, hein, on n'en parle plus. Mais tu n'avais pas grandi avec les films. C'est en découvrant la série. D'accord. Ok, ça a tout plus à fait de sens. Ok, je pensais que tu avais grandi avec, et du coup je me posais la question, comment est-ce que ça se fait que tu avais adhéré alors que le premier de réputation est plus horrifique que le reste. Bien sûr. Ok, d'accord. Et du coup tu es assez fan du 3. Ah, le 3, ouais, j'ai bien aimé. D'où j'ai bien aimé parce que en plus ça permet de s'éloigner un petit peu de ce côté de la cabane dans la forêt abandonnée etc. Mm-hmm. Et on est carrément sur un autre truc où ben effectivement ça impacte d'autres personnages plutôt que juste ce petit groupe d'étudiants qui part dans une cabane abandonnée mm-hmm. au fin fond de la forêt. Mm-hmm. Tu pars vraiment sur un humour qui est absurde total. Et après t'adhères ou t'adhères mm-hmm. pas, mais ça marche quoi. Genre le livre du parfait chimiste ou comment réparer sa voiture en 3 leçons dans le coffre de la bagnole, tu te dis mais c'est ridicule d'avoir ouais. ça quoi. Enfin c'est tous des trucs comme ça. Se faire une main robot avec un gant d'armure quoi. Enfin je dis c'est enfin, voilà après ça marche. C'est clair t'adhères ou t'adhères pas. D'ailleurs il y a quand même ça a marché mais il y a des gens qui avaient reproché quand même ce côté justement de s'éloigner du côté ouais mais non on veut du film horreur trash on veut pas partir alors parce que c'est vrai que clairement le 3 si tu vas le comparer au premier c'est un grand écart total hein. C'est Van Damme là ouais c'est hallucinant quoi. Et après, c'est vrai qu'ils sont partis sur quand tu pars sur l'Armée des Ténèbres. Après, quand tu suis derrière sur la série, où tu vas être plus proche de ce côté-là, où il y a de l'humour, mais ils vont revenir quand même sur le côté gore, parce qu'elle est bien gore, la série. C'est un peu mieux dosé, je trouve. Ouais, peut-être aussi. Bah, justement, c'est les sauts d'hémoglobine ouais. dans la gueule, où tu fais « mais c'est trop, c'est beaucoup trop ». Ah bah, le moindre mec qui saigne, c'est... Ça en devient absurde. Et tu fais « bah, vas-y ». C'est le moindre gars qui saigne dans Evil Dead, c'est 300 litres, hein, c'est le minimum, quoi. Ah, oui, quand tu vois le mec qui se fait niquer dans le puits, t'as une colonne de sang, tu fais « ok, d'accord ». Ouais, non, mais c'est ça. Donc ouais non c'est ça que j'avais bien aimé. Après j'avoue que j'ai pas vu le reboot, mais je pense que je me laisserai peut-être tenter par le nouveau. Par contre il est violent. Ouais. Il est d'une violence ouais. le reboot. Ben voilà c'est pour ça que là, c'est... je sais pas. C'est trash ouais, c'est hein. pour ça que je sais pas et que j'allais dire peut-être que je me laisserai tenter par le nouveau là qui va sortir bientôt parce que je sais que voilà c'est Sébastien Vanitschek et ouais. Florent Bernard. Florent Bernard je sais comment il écrit, je me dis bon, pourquoi pas. Vanitschek voilà. a fait du bon boulot sur Vermine. Vous dites le reboot ouais. vous parlez de bah, suite Florent Fédé. Bernard aussi a écrit sur oui, Vermine oui, oui. Suite de Fede Alvarez hein, c'est le duo oui c'est le duo ouais. Mais parce qu'il y a, il y en a eu un qui est sorti en 2000 il y en a ça c'est Evil Dead Rise qui est sorti après ouais, qui est ouais. Une... Voilà. Et celui-là tu l'as pas vu non plus Flo? Non. Ok. Non, ceux-là, je les ai pas vus pour l'instant. Sachant que le okay. Rise, il est. Alors, le Suite Fede, c'est un espèce de reboot. Et Suite. Le Rise. C'est pas une suite au reboot. C'est pas. Tu sais pas vraiment une suite de ce qu'il y a eu avec c'est H. C'est dans le même univers, j'ai voilà, l'impression. Voilà, c'est. Si. Ils trouvent le Necronomicon et voilà. Il y a pas vraiment. Ouais, mais ils relient pas. Ils avaient établi que c'était une suite dans le même univers et que donc, oui, en gros c'est ça. C'est sauf que tu fais pas acte des anciens persos, trucs comme ça. Voilà. Non. D'ailleurs, même dans la série, comme tu disais, tu parlais des problèmes de droit. C'est qu'à partir de la saison 2 où ils parlent de Evil Dead 3. Enfin, où Ash raconte un ouais. peu parce que dans le 1, ils étaient encore en histoire de conflit de mm-hmm, procès pour ça. Les droits de qui utilise quoi et qui utilise quoi. C'était une belle usine à gaz. Et toi, Jess, alors? Attention, Moi, c'était le film de la sélection que j'avais le plus envie de voir parce que je n'ai vu aucun des Evil Dead de Sam Raimi. Bizarrement, mm-hmm. j'ai vu celui de Fede Alvarez et celui de... C'était pas Cronin? Je sais plus. Evil Dead Rise? Ouais, je sais possible. Plus. Que t'es pas mauvais. J'ai vu celui-là aussi. Pourquoi je me suis jamais... Je sais pas pourquoi j'ai jamais regardé ce Sam Raimi parce que, a priori, Sam Raimi, j'aime plutôt bien son cinéma, surtout quand il tape dans l'horreur. Je suis assez fan. Mm-hmm. Je pense que je ne les ai pas regardés parce que, pour être honnête, le reboot de Fede Alvarez, il m'avait un petit peu trauma. Il y avait des séquences d'une violence inouïe qui m'avait mise très mal à l'aise, mais j'avais beaucoup aimé. Bref, donc j'étais très contente que tu nous l'aies imposé parce qu'en plus, mm-hmm. j'entendais beaucoup de personnes qui disaient « Oui, le 3, il est génial, c'est en tournant complètement différent dans la trilogie, mais il est vraiment fun. » Donc j'avais impatience de le regarder. Comment te le dire gentiment ? J'ai pas du tout aimé, mais je pense que s'il n'a pas fonctionné sur moi, c'est que je trouve qu'il y a des énormes problèmes de ton dans ce film. Mm-hmm. Je sais que Sam Raimi est très doué en horreur. J'ai l'impression que c'est là qu'il avait envie de se diriger et les notes humoristiques détonnent complètement avec le reste du film. Il y a des scènes qui partent sur sur un vibe super horrifique et qui est très bien amené, où t'as vraiment une tension, par exemple, quand il se retrouve un moment isolé dans un moulin. Avec son double. Et en fait, les scènes prennent un tournant et deviennent complètement slapstick. Et c'est un humour que j'aime pas du tout. C'est un peu ça aussi, ouais. Mais je trouve que le mariage des deux ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et pour moi, ils arrivent pas à... C'est pas comme Tucker and Dale qui le rend très bien. En fait, qui permet à l'humour de complimenter l'horreur et vice-versa. Ici, on n'est pas là-dessus. Et pour moi, tout ce qui est comique ne fonctionne pas du tout. Et du coup, je reste sur ma faim parce que c'est ni horreur, c'est pas drôle. Et je suis pas du tout l'audience, en fait, pour ce film. Je pense que c'est ça. Je trouve que... Alors, je sais que les effets spéciaux à l'époque, on est sur une autre époque, donc forcément, ça va rendre moins bien, mais sur la fin, avec tous ces squelettes, ça... Alors, c'est pas le même budget, mais Jurassic Park est sorti dans les mêmes eaux. Hein. Non, mais juste pour recaler. Mesdames et messieurs... Excusez-moi, mesdames et messieurs les auditeurs, vous venez d'assister à la fin de l'entre-deux-la-peur. Voilà. Oh, tu peux pas chier sur n'a pas les aimé, donc c'est là. Ce que je vais sauver de ce film, c'est Bruce Campbell, qui est absolument extraordinaire et qui est ce caractère à 300%. Et lui, je le trouve parfait. Et d'ailleurs, lui, il est très doué pour autant l'horreur que la comédie. Il sait un peu tout nous vendre. Donc je le trouve très très bon et il est sans doute très bien dirigé parce que je sais que lui et Sam Raimi, ben... Quand tu bosses avec Sam Raimi et que ça se passe bien, généralement, tu restes dans ses petits cahiers et il te fait rappel à toi. C'est-à-dire que son meilleur pote, quoi. Il est littéralement assez... dans tous les autres c'est films son de Sam Raimi aussi. Mais, il apparaît dans les trois Spider-Man, il apparaît dans Doctor Strange. Voilà, dans tous. Ça, c'est un peu sa muse, mais tu le ressens qu'il y a quelque chose qui passe entre les deux et que Sam Raimi sait sortir des performances de la part de Bruce Campbell qui sont vraiment extraordinaires. Parce que de base, c'est comme ça. Il me semble, qu'ils ont commencé Evil Dead, c'est que c'est son meilleur pote de fac et ils ont tourné comme ça, où lui, c'était le réal et l'autre, c'était l'acteur principal. C'est son meilleur pote, ils se connaissent depuis qu'ils sont au lycée. Jess, Bruce Campbell, sur une échelle de 1 à Dominic Purcell, tu le mets où? C'est en solide 7. Tellement 2 millions au-dessus. Wow. Alors qu'il est tellement Purcell. Meilleur acteur. C'est il est à 7 Purcell. C'est le menhir dans Astérix et Obélix, c'est meilleur acteur que Purcell. Hein, donc... Dans lequel Astérix et Obélix tous. Ok, j'ai jamais dit que Purcell était un bon acteur, on est d'accord. J'ai juste dit qu'il était sexe dans... Ah non, il est dégueulasse. Il est même pas... Dans le film... merde, de... Blade. Ah oui, en plus, Blade Trinity. Oui. Ouais, le meilleur. Voilà. Mais il est sexe à quel moment, sexe, en fait ? Parce qu'il porte... À mon avis, c'est le pantalon en cuir, tu vois. Non, mais alors, à la limite, je comprends plus que tu fantasmes sur un pantalon en cuir que sur Dominic Purcell. Vraiment, c'est juste. Les deux, tu vois. Le pantalon en cuir, il a des émotions quand même. Voilà. Il vient d'une vache avant. Ouais, ouais. Une vache de combat, peut-être. Je peux pas l'expliquer. À l'époque, je le trouvais sexe dans ce film. Qu'est-ce que tu veux Mais pour revenir sur ce film... Merde, maintenant j'ai perdu le fil de ma pensée. Ouais, et en fait, en soi, le concept était cool. Par contre, j'avais hâte, parce que je savais que c'était un truc où il se retrouvait au Moyen-Âge. Tu vois, j'avais quelques éléments. Mais par contre, clairement, comme j'ai pas vu le 1 et le 2, je sentais qu'il me manquait certaines clés pour comprendre. Par exemple, le Necronomicon, c'est ça, je captais pas tout et heureusement que j'avais vu le reboot et l'espèce de suite pour savoir en fait de quoi il s'agissait et qu'il fallait pas lire ce bouquin. Il me manquait quelques trucs quand même pour tout comprendre, même si on te fait un petit résumé. J'ai pas honnêtement, je me suis ennuyée quand ça devenait long ce film. C'est l'humour en fait, ça fonctionne pas, j'aime pas le slapstick et il y a vraiment trop de ça. Et c'est surtout que pour moi ça le film s'adresse à qui ? Parce que tu peux pas le montrer à des gamins, parce qu'il y a des scènes qui font vraiment peur ou qui sont un petit peu gorasses. Et en même temps, tu vas pas... pour les adultes, ça s'y prête à moitié, parce que les blagues sont faites plus pour des gamins. Et du coup, je comprends pas à qui le film s'adresse. Et pour moi, c'est qu'il y a eu un problème de communication derrière. Et quand ils ont écrit le truc, ils savaient pas non plus à qui ils s'adressaient, ou on leur a imposé des trucs, je sais pas. Je comprends que tu veux le faire un tournant comique, mais c'est pas assez abouti. Pour moi, ouais, c'est pas cohérent, c'est pas homogène. Désolé Flo, ça, j'ai pas trop aimé. Non, non, mais y a pas de souci, t'as le droit. T'as le droit, hein. C'est plus à Storm qu'il va falloir s'excuser parce qu'après, on a de la peur, mais sinon, moi, ça va. Bah, je ne qualifierais pas ce film d'horreur du tout, tu vois, par exemple. Ça fait pas peur. J'ai pas forcément dit que c'était comédie horrifique. Après, voilà, comédie horrifique, on est plus sur, de la peur, sur un truc exemple, d'humour humour noir que qu'autre chose. Mais je trouve pas que l'humour soit super noir. Oh, c'est juste noir parce qu'il y a des scènes qui font. Ah, c'est sombre. Il hein. y a des vannes qui marchent quand même. Enfin, qui sont. Oui. Après. Ah, moi, je sais pas. Je trouve que c'est beaucoup. Surtout sur la fin, quand il y a plein de squelettes qui raident le château. Ben, là, on est sur du slapstick, mais à 300%. Et c'est vraiment pour des gamins, quoi. Tu vois, c'est où je vais jouer au baseball avec la tête du squelette. Ce genre de choses. C'est. Ouais. Ouais, non. Ça, c'est pas pour des gamins, hein. Bah, le 35 film... ans, je trouve ça marrant. Ouais, parce que t'es okay, un gros gamin. Mais je pense pas que... Ouais, ouais, et alors ? Et alors ? Hein ? Dit-il en enregistrant des podcasts, ok ? Ouais, c'est dommage. Et, mais par contre, je suis tentée de regarder le premier de Sam Raimi. Parce que si c'est le premier qui est le plus sérieux, je me dis qu'il y aura peut-être plus moi là-dedans. J'ai toujours entendu dire que le 2 était... Le 2, c'est le 2. Moi. Ouais. Ouais. Parce que le 2 a plus de budget... parce que comme c'est sorti avant 2000, Jess, donc si tu regardes le premier, tu vas avoir mal. Ouais, et puis tu vas regarder le 2 et tu vas dire, mais j'ai déjà... Enfin, c'est plus ou moins... C'est un espèce de reboot comme du disait premier, Storm, en fait. C'est une sorte de soft reboot ouais. où, voilà, c'est... Tu refais en gros, il refait le premier. Il y a toutes les notes humoristiques, quoi. Non, il y en a beaucoup moins, attends. Il y en a beaucoup moins. Non, non, il est plus... T'inquiète pas, le 2, il est trash. Hein. T'as une scène avec une trappe, une tête et un œil, tu verras. C'est classe. Donc, Ok. Non, non, t'es pas sur le niveau du 3. Hein. Le 3, t'as que des vannes tout le temps, quasiment. Dans le 2, elles sont quand même distillées au coup. Le 3, donc, effectivement, c'est, on est plus sur le côté humour voilà. que sur le côté... Le 2, non, ça trash. Non. Peut-être pas. Ok. Mais parce que... Alors, évidemment, je sais que pour plein de personnes, dire que celui de Fede Alvarez nous a plu, c'est un petit peu un sacrilège. Non, c'est pas un sacrilège. Il a le droit. C'est si tu dis qu'il est mieux, excuse Sam Raimi, c'est un sacrilège. Bah, je peux pas comparer, donc je vais pas dire ça. Mais non, c'est pas du tout les mêmes films. Parce que je le trouvais impactant. Au niveau des mises à mort, il y a des trucs assez cradingues dedans. Et je suis pas. C'est pas forcément le truc qui me plaît le plus au monde. Tu vois, par exemple, une aiguille dans un œil, tout ça, c'est pas mon délire. Est-ce qu'on est là-dessus aussi yeux. Une aiguille dans deux yeux, c'est cool. C'est mieux. Ok, ouais, déception de mon côté, mais j'étais contente qu'il soit dans la liste parce que je voulais le voir, tu vois, donc c'était cool de le découvrir. Après, c'est compliqué de vouloir, essayer de comparer celui de Fede et puis celui de Sam Raimi. Déjà, il n'y a rien que l'époque qui va faire que le film ne peut pas être le même, que ça soit au niveau pognon déjà de base, hein, parce que le pognon qu'a Fede pour faire son film, Sam Raimi n'avait pas ça. Donc forcément, d'un point de vue effet, et le film se veut, je dirais pas plus sérieux, parce que les premiers Evil Dead sont quand même très, c'est quand même sérieux. Hein. Mais tu sens que oui, c'est pas les mêmes moyens, t'es pas sur la même époque, t'es pas sur la même façon de voir aussi les choses, parce que quoique Sam Raimi a des meurtres assez trash et assez sérieux ou assez sadiques, hein. Enfin, c'est le genre de meurtre douloureux, tu sais, où t'as pas envie. Genre, je me souviens dans le premier, à un moment, t'as une gonzesse, elle se prend un crayon dans le talon d'Achille avec le mec qui tourne, tu vois. C'est le truc qui... Voilà, le truc qui fait faire cette tête, tu vois. T'as tout compris, tu vois. Exactement cette tête, voilà. Ouais. Donc, Sam Raimi sait le faire aussi, mais peut-être moins... Ça l'intéresse peut-être un peu moins que ce qu'aurait fait Fede. Ouais, mais c'est pas ce que je recherche, justement. Du coup, s'il n'y a pas trop ça, c'est pas très grave, tu vois, pour moi. Ah non, bah, il y en aura mais moins, parce que ça, c'est vrai que suite Fede était rentré vraiment dans l'ultra-violence. Et vraiment, le film est violent. Hein, c'est vrai que suite Fede Alvarez, il est très ultra-violent, quoi. Pour moi. Le suite Sam Raimi, il reste violent, mais il y sera moins. Mais il va plus. Il y a le côté psychologique qui marche mieux sur ce film. Oui, mais après, je pense que c'est aussi le côté, comme tu disais, époque. Clairement. Que t'avais pas les mêmes moyens, les FX c'était pas les mêmes, donc forcément tu peux pas aller aussi loin à cette époque. Et puis tu vas avoir une vision différente où t'as Fede Alvarez qui va peut-être plus jouer sur le côté graphique de la chose, où Sam Raimi, en tout cas sur le premier et le deux, il va vraiment aller chercher le côté psychologique. Je veux dire, Ash, tu vas le voir devenir complètement fou, quoi, où il va avoir des trucs, où c'est même plus qu'est la réalité c'est... de ce qui n'est pas la réalité. D'ailleurs, c'est pour ça que tu le vois dans le aussi se couper la main, c'est que le mec, au final, dans le 2, il devient zinzin, mais complètement. Tu peux presque demander à des moments, c'est... est-ce que je veux pas dire est-ce qu'il l'invente ou pas, enfin est-ce qu'il s'imagine ou pas, mais tu pourrais presque te le demander à des moments tellement le mec il devient barjot à avoir des trucs, à avoir des machins où... et c'est vrai que Sam Raimi va beaucoup plus appuyer ce côté-là psychologique. Et t'as des dans le 2 t'as des scènes mémorables quand il pète un câble avec la tête de cerf qui se met à bouger, les lampes qui rigolent, la maison qui rigole, enfin t'es là, ça part en couille de partout. Et ça me tente moins, tu vois, par exemple. L'aspect qui me tente. Ah ouais, coup, pourtant c'est vachement plus logique. Tente le 1 et le 2. Je les regarderai sans doute, mais je t'avoue que le 3 m'a pas laissé une super bonne impression, donc je vais peut-être faire un break et puis un jour... Alors c'est là où effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est totalement différent, c'est que le 1 et le 2, enfin le 3, il est dans un autre... C'est un autre registre, et je pense qu'ils ont voulu l'amener là parce qu'ils l'ont fait aussi dans une autre époque, etc. Mais le 1 et le 2, non, on n'est pas sur ce même registre. Ok. Par contre, ça a vieilli, je te le dis, Jess. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai tenté un jour. Voilà. Pas demain. Parce que je sais que toi, t'es assez... c'est vrai que ça a vieilli, il faut le dire, quoi. Non, mais il y a des trucs vieux que j'aime bien, mais après... pas vieux trop. Avant 2000, je te... Non, les années 90, avant... j'ai grandi avec, donc forcément, ça me dérange pas. Avant, c'est avant les années 90, justement. Ouais, mais c'est là que je me dis, là, je suis plus, comment on dit, picky, I'm picky, en français. Plus frileux. Que je suis difficile. Ah non, plus non. difficile. Quand tu es difficile, que tu as certains critères qu'il faut remplir. Mais il y a des trucs des années 80 que j'adore, parce que, grandi avec. Ok, du coup, tout le monde a donné son avis, il me semble. Oui. On passe à celui de Storm. De quoi? De film ou d'avis? De film. Quoi? Arrêtez. Eh ben, pas de soucis. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps, c'était le pire des tueurs. Je vais m'éclater, je vais tout bousiller. Mais en l'an 2032... Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique. Et nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette situation. Au cœur d'un monde de paix et de calme... Comment a-t-on fini par arrêter ce monstre de Simon Phoenix au XXe siècle? Il aura suffi d'un seul homme. John Spartan, Demolition Man. La condition de votre libération et votre réintégration au sein du SAPD avec pour mission immédiate la capture de Simon Phoenix. Deux ennemis mortels, venus d'un autre temps, vont s'affronter dans un futur qui n'est pas assez vaste pour eux deux. Alors, donc moi, comme je suis une personne de goût aussi... Faut le dire quand même, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Donc moi j'ai pris Demolition Man, petit classique. Enfin, que moi je. C'est un peu facile comme choix. Non, mais t'inquiète non, pas. Non, c'est pas le Ratatouille de 94. Calme-toi. Voilà. Ah bah si faut, je changerai mon film du mois prochain. J'irai chercher dans mes entrailles, je trouverai bien quelque chose. Donc Demolition Man, donc. On part donc un film de Marco Brambilla, donc qui est plus ou moins Marco Brambilla, ça c'est grand chose connu, hein, puisque derrière en plus connu, ça sera la série de téléfilms d'Inotopia. Voilà. Si, je crois qu'il a fait une pizza calzone une fois. Ouais, une quatre fromages aussi, une croûte sicilienne, et ça s'est bien passé. Donc, Demolition Man, un film avec des petits acteurs pas très connus. Donc, nous allons avoir notre ami Stallone dans le rôle de d'Anon qui donne l'érection, John Spartan. Mais quel nom, quoi. C'est le mec qui il pue la testostérone à 800 km. Jean Spartan. Jean le Spartiate. Donc, Jean Spartiate. Quoi. Donc, ça, on va retrouver Wesley Snipes dans le rôle de Simon Phoenix. On va retrouver Sandra Bullock dans le rôle de Lelina Huxley. Pardon. Et donc voilà, le pitch il va être assez simple. Donc nous avons, Stallone, donc John Spartan, qui va arrêter Simon Phoenix qui avait capturé des otages. son arrestation va mal se passer et on va lui mettre sur le dos la mort des otages. Il va se faire emprisonner avec lui, donc cryogénisé très exactement, donc dans une prison où on le congèle. Et voilà. Ensuite, nous... On raconte tout le pitch ou... Fais-nous un résumé détaillé. Ouais, parce que sinon. Et donc, après, nous allons avoir la libération de Simon Phoenix qui va foutre le bordel dans la magnifique ville de San Angeles, si je dis pas de conneries. Donc, San Angeles. Donc, qui est Santa Barbara, San Diego et Los Angeles confusionnés. Et donc, ouais. La seule solution pour l'arrêter, ça sera de libérer également John Spartan et de lui redonner ses fonctions de policier. Voilà. Et tout va bien se passer. Pour vous. C'était plutôt clair. Et tout va bien se passer. Oui, le film dure d'ailleurs 25 minutes. Donc 1h55 quand même. Comme dirait Tom, il y a la politesse. Il dure moins de 2h, mais ouais, il y a des choses à raconter quand même. Donc, Demolition Man. Quel bon film. Alors, le film des années 90, enfin, par excellence, peut-être pas quand même, mais on sent qu'on est bien dans les années 90. C'est quand même le bon actionneur des années 90, putain, quand même. Ouais. Ah oui, ça pue les années 90 à plein nez, ça. Rien que dans les répliques, de toute façon, la moitié des répliques qui sortent, tu pourrais plus les sortir dans les films de maintenant. Je pense, en tout cas. Non, mais c'est quand même un film qui paraît, enfin, qui est plus intelligent qu'il n'est, je pense, au premier abord. Que t'as tu quand nous même... as pas donné la date de sortie. Elle est sortie en janvier 94 en France. Ouais, en Norvège. Non, c'est pas en France, c'est en Norvège. Moi, j'ai été chercher la Norvège. Ça fait une pirouette. Okay. En France, je crois que c'est décembre 93, si je dis pas de bêtises de tête. Ou novembre 93, okay. Un truc comme ça. Donc, c'est en Norvège. J'ai cherché la date donc en Norvège. Donc, tu voulais vraiment le placer dans la liste. Donc, tu l'as regardé en norvégien. Tout à fait. School of Unstru. Ah non, je suis sauf, c'est du suédois. Et... C'est un meuble Ikea. Aussi. Donc, non, ouais. En fait, c'est quand même un gros actionneur bas du front, hein, parce que là, on est dans quand même du grand Stallone, quoi. Sachant que quand il vient sur Demolition Man, il est quand même sur un moment de sa carrière où là, il est un peu en off, hein, Stallone, où ça marche pas terrible pour lui. Donc, c'est quand même un film qui l'a remis un peu sur le devant de la scène. Sachant que le film n'est pas un succès si ouf que ça. Parce que je crois qu'on est quasiment, j'avais noté, à 100 millions... Ouais, 97 millions de coûts. Donc, coûts film, pub, vraiment le coût total. Hein. 97 millions, et okay. Il en a rapporté 160 millions. C'est pas fou. Il est rentré dans il ses est frais. Bénéficiaire. Mais... Il est bénéficiaire, ouais, quand même. Mais ils en espéraient beaucoup plus. D'où le... Bah oui. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de suite, même si on entend encore Stallone des fois qui dit qu'un projet de Demolition Man 2 est en chantier. Ouais, mais même enfin, avec le recul, tu te dis, bah. T'as pas besoin de. Oui, mais après, t'as pas besoin. Enfin, clairement. Et après, t'as pas besoin. Ouais, et puis officiellement, il n'a pas besoin de suite, ce film. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt de faire une suite, quoi. Qu'est-ce que j'avais noté d'intéressant. Donc, le producteur, Joel Silver. Quelqu'un qui est un petit peu connu, quoi. Ah, un petit peu. Ouais, pas tellement. Non, vaguement entendu parler, L'Arme fatale. Enfin, un mec, oui, un petit gars, quoi. Des petits films, quoi. Des trucs indés. Que des petits films années 80-90, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on avait, j'avais relevé d'intéressant, c'est qu'au niveau du cast, ça aurait pu être rigolo, parce que c'était pas donc Stallone, forcément, qui était privilégié au début. Donc, au départ, il voulait... Ça va me faire rire... Ça va faire rire Tom. Normalement, ça aurait dû être Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Donc Steven Seagal dans le rôle de John Spartan et Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Wesley Snipes. Je veux absolument voir ce film. Mais excusez-moi, ok. Il faut faire quoi pour aller dans un monde parallèle pour voir ce film? Alors ça s'est pas fait parce que donc les deux vous donc Van Damme, il voulait pas jouer le méchant, il voulait être le gentil, donc et puis Steven Seagal, il voulait pas être le méchant, donc ça s'est pas fait. Après, donc, Stallone est arrivé sur le projet, et lui, Stallone, voulait Jackie Chan à la place de Wesley Snipes. Et Jackie Chan a refusé aussi le projet, ça ne l'intéressait pas. Quoi. Je le vois pas très bien dans ce film. Non, je trouve que Wesley Snipes, il est trop bien dedans. Je trouve qu'il a trop... Il est vachement coquet, non? Je sais pas, peut-être, ouais. Mais... Oh. Pas sûr. C'est juste sa cabotine à mort dans tous les sens. Ah bah ça c'est clair. Enfin, tout le monde. Sachant que Wesley Snipes aussi sur le projet, il le voulait et lui voulait pas venir. Hein. Ils l'ont proposé plusieurs fois avant de venir. Ah ouais, non, il voulait pas. Et en fait, ils ont été le chercher, okay. Le Real et le Stallone sur le tournage de Soleil Levant avec Sean Connery. Et c'est là-bas qu'ils ont expliqué tout le projet machin. Et puis qu'au final, il dit ok, c'est bon, je viens quoi. Donc voilà. Les petits. Après, il a pas une répute d'être facile, Wesley Snipes. Bah, apparemment, sur le tournage là, Nick. Bah, après, t'es au début hein, de Wesley Snipes. Hein. C'est oui. vraiment tout début. Non, mais oui, non, mais. Mais apparemment, justement, c'est là où je. Ça s'est super bien passé. Apparemment, même entre les deux, donc entre Stallone et Wesley Snipes, il n'y avait aucun problème. Le mec était super pro. Le petit défaut que pouvait avoir Snipes, mais apparemment, ça les a pas tant dérangés que ça, parce qu'au final, ça marchait bien. Qu'il était noir. Mmh. Aussi, ouais. Non, c'est que beaucoup d'impro, en fait, beaucoup de ses répliques, c'est de l'impro, apparemment. Il faisait beaucoup de. Ah merde. Ouais, il faisait beaucoup d'impro, apparemment. Mais au final, ça marche, quoi. Pourquoi as-tu choisi ce film, du coup? Parce que ce film est excellent, quoi. Tu passes un super temps, 1h50. Il y a des punchlines toutes les 2 minutes, littéralement. Je pense que top chrono, toutes les 2 minutes, il y a des punchlines. Le film est ultra décomplexé. Et puis, comme dit. Il est moins con qu'il n'y paraît, parce que c'est vrai, quand tu regardes comme ça, t'as l'impression de voir deux gogoles en train de se tabasser la gueule pendant tout le film. Mais en vrai, t'as quand même une dimension politique qui, eux, ils disent que c'était pas voulu, la dimension politique. Après, je sais pas, parce que quand tu vois le nombre de fois que le scénario a été réécrit, quand tu vois les petits clins d'œil qui sont faits, bah, par exemple, avec le nom de Lenina Huxley, qui revient de Aldo Huxley, des trucs comme ça... Mm-hmm. Je pense que ils voulaient pas en parler, mais enfin ils voulaient pas se servir de ça, mais il y a quand même un fond politique qui est quand même pas mal assumé, je trouve, sur le film quoi. Donc moi ce côté-là me plaît bien, avec le côté tout aseptisé en te disant que la société va être mieux, sauf qu'en fait tu te rends compte que t'es censé être mieux, mais que t'es quand même privé au final de toutes tes libertés à toi. Et de l'autre côté c'est pas mieux, parce que t'as l'espèce de résistance qui eux sont full liberté, mais trop, même beaucoup trop quoi. Donc, et je trouve que tu as ce côté qui est pas mal, qui te dit, ben, en fait, ce qui marche bien, c'est théoriquement un mélange des deux, c'est-à-dire avoir des libertés tout en ayant conscience que ben, tu peux pas tout avoir non plus. Quoi. Et moi, j'aime bien ce côté. Et après, ben, forcément, c'est du Stallone, c'est du Wesley Snipes, ça se met des tatanes dans la gueule à tout bout de champ, et ça punchline à tout bout de champ. Quoi. Donc, moi, ça me va. Hein. Je suis très friand de ça. Hein. Ouais, non, j'allais dire le film qui pourtant a 30 ans, plus de 30 ans. Quand on le regarde maintenant, on prend une dimension tout à fait particulière avec l'Amérique telle qu'on la connaît depuis quelques années. Je l'avais pas. Oui, déjà, le président Schwarzenegger. Mais c'est vous arrêtez pas de se chambrer de toute façon. Il y avait ça d'un côté. Oui, mais c'est quand même 10 ans après, c'est la déconnante. T'avais Stallone qui apparaissait en Terminator 2 dans Last Action Hero, dans un vidéoclub, tu vois. Oui. Ils arrêtaient pas de s'envoyer... C'est son meilleur film. Ils arrêtaient pas de s'envoyer des pics comme ça. Mais quand tu reviens... Enfin, voilà, ça a été donc écrit et réalisé il y a 30 ans. Et quand tu le remets en perspective sur ce que sont devenus les États-Unis dernièrement, tu te dis... Putain, mais ils auraient voulu écrire le futur. Ils auraient pas pu tomber plus juste à certains moments, quoi. C'est complètement dingue. Je me suis dit, je me souvenais plus la trame globale du film. Oui, je m'en souvenais, mais tu vois les petits détails, les répliques, etc. C'était pas le cas. Et quand tu remets ça, quand tu regardes ça maintenant, que tu le remets en perspective, t'es là. Waouh, c'est balèze quand même, la writer's room, elles sont bien déchirées quand même dessus, là. Pas mal, les gars. Je vous invite au restant. Tu penses à quoi en particulier, parce que... Tu penses sur... à quoi par... en eh ben, particulier sur le, ça, sur le fait que, comment il s'appelle, là, le merde, Cocteau, là, veut réaliser une utopie, une société à sa façon, où en fait, t'as l'impression que tout est beau, tout est joli, mais que lui décide de pas gratter en sous-main, et que ça le gêne pas d'interdire les gros mots et la violence, mais que en trame de fond, il fait libérer le plus grand criminel qui est enfermé pour le rendre encore plus fort, juste pour venir assassiner un mec qui ne rêve que de liberté individuelle, quoi. Voilà. Qui le fait chier, ouais. Je pense qu'à certains égards, dans la société américaine aujourd'hui, on n'est pas très loin de ça. Pas loin. Ouais, le fait que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Ouais, sauf que le régime actuel est beaucoup moins dans les apparences. Ils essaient même plus de cacher. Tu vois ce que je veux dire, c'est le gros contraste, c'est que ici on a quand même une espèce d'utopie dystopique. C'est pas l'Amérique c'est même pas actuelle, de cacher, c'est qui c'est littéralement qu'ils mentent pour imposer leur vérité. Oui, c'est ça. Mais mentent même plus. Enfin, je veux dire, je vois pas comment Trump il dit je fais des trucs, il les fait. Il y a même plus j'essaye de cacher, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas un menteur en vrai au final. Oui, c'est pas. C'est... Il dit, je suis con. D'habitude, vous avez vu, j'ai fait ça. Ce qui est ballot, c'est que c'est d'habitude, c'est ce qu'on reproche aux politiques de pas faire ce qu'ils disent. Mais du coup, Tom, toi, c'est un film que tu connaissais. Ouais, c'est du bon divertissement. Moi, je le re-regarderai pas forcément tous les ans, tu vois. Mais c'est un film que j'ai repris du plaisir à regarder. Je savais quand Storm il l'a proposé, je me suis dit, ah, cool, ça fait bien, bien longtemps que je l'ai pas vu. Ça va me faire plaisir de le re-regarder. J'ai hésité à le regarder en version française ou version originale. Et j'ai quand même tenté la VO parce que je l'avais jamais vu en VO. Alors j'ai une question con pour la VO. Donc t'as eu Taco Bell ou Pizza Hut? C'est Pizza Hut. Le Pizza Hut. En VF, c'est Pizza Hut. Et ils ont. Le problème c'est que tu l'as regardé en VO, mais sur une copie française. Ouais. Enfin, je pense un dérivé. Moi, je l'ai pas vu sur une copie française. Et t'avais Taco Bell, toi. J'ai Taco Bell, ouais. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, c'est Taco Bell. Et en Europe, ils ont mis Pizza Hut parce qu'ils se sont dit, c'est pas assez connu, Taco Bell. Mais ils ont localisé. Ils ont tourné des scènes différentes. Okay. Ils ont incrusté. Non, ils ont incrusté les logos de Pizza Hut sur le machin, sur les trucs et tout. Quel délire! C'est pour ça. Et alors que la copie aux États-Unis, c'est Taco Bell. D'accord. Ouais, c'est Taco Bell. D'accord. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Le restaurant tout chic. Ouais, on va au resto, c'est super cool, on va où Pizza Hut. Hein? Oui, ils ont gagné la guerre des restaurants. Ouais. C'est énorme, ça, la grande guerre des restaurants, il n'y a plus que ça. Mais ok, d'accord. Mais pareil, le scénar, normalement, au départ, était beaucoup plus noir que ça. Il aurait dû être beaucoup moins drôle, le film, quoi. Et après, à force de réécriture, il a pris ce côté plus drôle. Mais ça se voit au final, parce que dès le début, le truc de fond, c'est Stallone qui va choper Snipes, et en fait, il y a 30 personnes qui meurent littéralement. Eh ben ça, dis-toi que ça a été rajouté au départ, c'était pas dans le film non plus. Ah ouais. Ça a été rajouté au script après. Et normalement. Alors que je trouve que c'est déjà assez noir pour ce que c'est. Il a été remanié de tous les bouts. Normalement, il aurait dû avoir une intrigue avec sa fille. Justement, il aurait dû retrouver sa fille, Stallone. Et en fait, ils se sont dit, ah non, ça fait chier. Mais ils ont gardé des scènes où elle l'est. C'est pour ça que, par exemple, t'as la scène quand t'as la fusillade dans les égouts, il protège une gonzesse. Mm-hmm. Tu dis, bon, sur le coup, tu dis, protège une fille, c'est une fille du... En fait, non, c'est une scène qu'ils avaient gardée où c'est sa fille, normalement. Et que tu revois, d'ailleurs, à la fin. Ouais, il y a eu des trucs, ça a été réécrit au maint et maint de fois, le truc. C'était assez impressionnant, quoi. Ok. Et toi, Jess, alors? Alors, merci, Jess. C'était pas forcément un film qui me tentait plus que ça, parce que je suis pas hyper fan des actionneurs des années 80 où tout se résout à coup de testostérone et de one-liners. Mais c'est la vraie vie, ça, Jess. C'est pas forcément mon... Je suis plus... Tu ne connais pas la vie. C'est la vraie vie, moi, quand je sors dans le train, j'y vais, ferme ta gueule et prends mon temps. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et que donc, quand le film se lance et que c'est clairement ça, parce que la première séquence dans l'espèce de futur, elle est un peu crado. Ah non, c'est 96, c'est pas le futur. Ouais, mais bon, c'est censé être le futur pour eux, quoi. On est clairement là-dessus, on est sur des méchants qui tirent comme des Stormtroopers et qui manquent. Ou alors c'est Stallone qui est par balle, je sais pas, mais tu sais, toutes les balles font ricocher autour de lui, il a jamais rien. C'est gros muscle sur gros muscle et les one-liners sur one-liners, et je me suis dit, waouh, ça va être chaud boulette. Et en fait, après ça, on a toute la cryogénisation, et puis bim bam boum, on se réveille, on est dans cette dystopie absolue. Et puis je vois Sandra Bullock, j'adore. Et au début, je me suis dit, je comprends pas pourquoi elle joue comme ça. Parce qu'elle a l'air toute conne, toute niaise. Ils sont tous comme ça, en fait. Bah, je me suis dit, ah, c'est peut-être parce que c'était le début de sa carrière et qu'elle avait pas le choix et qu'on lui a dit joue. Tu vois, parce que je savais pas trop ce que le film allait raconter. J'avais jamais vu un trailer, je savais pas de quoi ça parlait et j'avais jamais vu le film. Et du coup, plus le film a avancé, plus j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je me suis trop prise au jeu. J'ai adoré tout cet aspect dystopique, en fait, finalement, parce que j'adore ça. J'adore quand t'es sur un futur qui a l'air utopique et, en fait, tu sens bien qu'en creusant, en grattant un petit peu la peinture, tu te rends compte que derrière, il y a beaucoup de moisies. On est vraiment là-dessus. Il y a des tâches. L'humour m'a beaucoup, beaucoup plu. J'adore ce concept où, en fait, ces gens étaient cryogénisés et quand on leur... On les reprogrammait et que lui, il sort du bazar en sachant tricoter, finalement. Et plusieurs fois pendant le film, il va faire des petites remarques en parlant « Oh, je pourrais te faire ça avec une petite laine de bazar et des machins. » Et puis, il s'en veut de partir sur son tricot. Moi, ça me fait rire. Je trouve que Benjamin Bratt est toujours chouette, donc j'étais contente de le voir. Le personnage de Sandra Bullock est vraiment chouette, en fait. Au début, je te dis, j'avais un petit peu peur. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle joue une idiote? Pourquoi? Parce que surtout elle, qui est une féministe avouée, c'était bizarre de la voir dans un rôle où elle était cette petite femme écervelée qui se pliait facilement aux hommes à côté d'elle. Mais c'est expliqué en une seule, phrase au moment où Wesley Snipes se met la branlée à 5 ou 6 policiers et t'en as un au commissariat qui dit « Eh, mais on est des flics, on n'est pas formés pour faire face à ce genre de choses. » Pour ça, mais ouais, mais moi je le savais pas, donc il a fallu que j'avance dans le film pour me rendre compte. Ok, oui. Mais en fait, c'est tout. Les mecs sont tous habillés en kimono, et je trouve qu'elle est géniale dans ce. Ouais. Oui, mais je te dis, la première séquence où je la vois, moi j'ai vu qu'elle dans ce monde et je me rends pas compte de ce qui se passe. Et en fait, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un univers qui te fait poser pas mal de questions. Et c'est très difficile de voir ce film aujourd'hui et ne pas faire un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Tu ne peux pas ne pas le faire, même si pour moi, on n'est pas sur la même façade, forcément. Mais peu importe, on part sur un régime assez, dictatorship, une dictature. Oui, une dictature. Oui, voilà, tout à fait. Dictatorial. Dictatorial. Dictatorial, c'est pas loin. Je trouve, alors je suis pas fan de Stallone du tout, mais ici je le trouve assez bon. En fait, il détonne. Je trouve que lui, il détonne. Non, mais je veux dire le mariage des deux marche super bien. Je trouve qu'il joue vraiment bien le mec qui est complètement décalé de cette époque. Je trouve qu'il le fait bien. Finalement, fonctionne très bien. Il y a une très bonne alchimie entre ces deux. Les deux marchent bien, quoi. Et je trouve que Simon Phoenix, Wesley Snipes en antagoniste est absolument parfait. Il est remonté à bloc. Lui aussi, il te fait des petits one-liners. Et puis, il a un sourire ultra, ultra Colgate, tu vois, qui rajoute du cachet à ce personnage complètement antipathique, mais à la fois un petit peu, il a du charme, tu vois. T'as pas forcément envie qu'il meure. Je sais pas pourquoi. Moi, je l'aimais bien. Ouais, du coup, j'ai adoré ce film, j'ai passé un trop bon moment. Je m'attendais à pas du tout accrocher parce que j'ai dit, je suis pas trop fan des actionneurs 80. Et honnêtement, si on était resté dans le même esprit que le tout début du film tout au long, j'aurais pas aimé. Mais c'est ce changement et cet univers dystopique qui a fait que j'ai accroché. Et puis, ces notes d'humour qui fonctionnaient vraiment bien, tout faisait mouche. C'est vraiment un super chouette film. Et je m'en veux de pas l'avoir vu plus tôt, mais... Voilà, ces choses rattrapées. Et ouais, ça, c'était une super découverte pour moi. J'ai adoré. Et après, donc, un bon point. C'est vrai que le traitement politique et tout, il est exceptionnel. Quand t'entends les flics parler... Il est parler, très, très cool. Quand t'entends les flics parler à un moment, quand ils se rendent compte qu'il n'est pas pucé Simon, et puis que t'as les mecs qui font « Ouais, putain, comment qu'on va faire pour le retrouver ?» Et que t'as le chef de la police, il dit « Bah, on va attendre qu'il refasse un 187, et puis comme ça, on va pouvoir le localiser. » Tu dis « Mais putain, tu peux pas dire ça, t'es un flic, quoi !» Ta solution, c'est d'attendre qu'il tue quelqu'un pour pouvoir le retrouver. Tu vois que les mecs sont complètement inadaptés au truc, qu'il n'y a plus rien, tu te rends compte qu'il y a eu une purge de tout ce qui est archives Et ça fait très peur. Donc, il y a des petites connotations tout le long qui te font réfléchir, mais c'est amené sous ton comédie, mais derrière, c'est beaucoup moins drôle. Après, pour moi, c'est ça qui montre aussi que Cocteau est dangereux. Et que c'est qu'il a tout aseptisé pour dire, à mon image, et vous allez vous y faire, sinon, vous n'êtes pas adapté, et ça dégage. Ce qui est bien, c'est qu'il se croit hyper intelligent au-dessus de tout le monde et il se fait baiser comme un con. Comme un gros abruti. Bien sûr, mais en même temps... Tue-moi ce mec-là, toi. Et voilà, blaireau. Mais blaireau, quoi, putain. Ouais, non, c'est un super fun film. Flo, ouais. Tu l'avais déjà vu, toi, ou pas? Non, moi, c'était une découverte. Ah, cool. C'était aussi une découverte. Et effectivement, je me suis dit, bof, Demolition Man, Wesley Snipes, Sylvester Stallone, que peut-il arriver de mal, vraiment? Rien. et c'est le cas, il n'est rien arrivé de mal. Et je me suis dit, on est sur un actionneur, effectivement, 80-90, donc un truc... Ça va couler de source, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce message sous-jacent de ce qu'est, de ce que aurait pu devenir la société, de ce qu'elle devient aussi, où tu fais ah putain, ils sont pas tombés loin les enfoirés. Et il y a quelques messages où tu fais ah oui, bah ouais, bah on est en 2025. Pas la peine d'attendre 2032, voilà. 2025 répond à vos attentes. Ouais, non, c'est déjà là. C'est déjà là. Donc non, franchement, j'ai kiffé. C'est vraiment, oui, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est duel de testostérone, c'est du non, c'est moi qui ai la plus grosse. Non, c'est moi qui ai la plus grosse. Non, c'est moi qui ai la plus grosse. Et tu fais bah, en vrai les gars, juste j'éteins mon cerveau, je le pose à côté de moi. Allez-y, faites votre truc. Quand tu te dis à deux, ouais, le pouvoir de destruction cool. Qu'ils ont les deux, quoi, parce que les mecs ils ravagent la ville à deux, quoi. T'sais. Partout où ils vont. Mais puis tu comprends le surnom. Tu comprends le surnom de John Spartan. Hein. Tu fais oui, bon bah, on l'appelle Demolition Man. Oui, c'est logique. Ils se battent au musée, ils rasent le musée, quoi. Tu fais ah ouais, ok. Faudrait juste qu'on explique. C'est ça. Voilà. Alors comment parce que c'est au musée qu'on trouve des armes, les trois coquillages, qu'elles ne soient pas déclassifiées et pleine de munitions. Là, c'est un petit peu plus dur à avaler. Oui. Mais bon, exactement. Et bien, ta gueule, c'est magique. Bon, c'est assez voilà. Dur d'avaler que dans un futur probable des States, oui. Les armes sont quelque chose qui disparaissent. Ouais. Alors après, attention, c'est le seul truc. Est-ce que c'est les States ou est-ce que c'est que ce, ouais. Enfin, voilà. Ça ne change sais pas. Rien, je pense. Mais, oui, non. Parce que tu devrais ratifier la Constitution. On ne sait pas ce que le bon président Schwarzenegger aurait fait. Pas facile. C'est ça. Et oui. Mais c'était assez drôle d'avoir cette scène où le mec il débarque, il se prend des guns et des munitions, puis les guns du futur aussi. Le gun du futur, ouais. Qui sont beaucoup plus puissants. Non, mais tout est vraiment, vraiment super fun. Mais après, ouais. Mais du coup, on est tous d'accord sur. Oui. On est tous positifs sur ce film. Excellent. Moi, je m'attendais à ce que Thomas le déteste. Non, ça c'est ma. Non, pas toi. Ah ouais, des actionneurs années 80. Ouais, exactement. Lui, faut éteindre le cerveau, faut réfléchir. Années 90. Voilà, tu. Enfin, faut pas réfléchir. Tu vas pas en trouver beaucoup que j'ai pas aimé. Après, t'as quand même des. Ouais, t'as quand même des punchlines qui pourraient plus passer maintenant. Tu dis putain. Non, c'est clair. Si. Ah bon, pourquoi quand tu pas. Dis là, on est à Tapetland, les mecs, là. Ouais. Ah, mais je sais ah pas bah si, en version française, il le dit. Oui, on vit dans une sorte ah de oui. Tapetland. Tapetland. Ouais, mais en VO, il me semble pas qu'il dit un truc non, comme... Non, je... ça m'a pas... Non, il dit fagot. Ouais, fagot. Non, il doesn't say fagot. Non. Mais il y a aussi tous ces moments où Sandra Bullock, elle, son personnage, est fascinée par les années comme ça, les années de Stallone. Oui, et du coup, bah elle oui. A essayé d'apprendre un petit peu le lingo de l'époque. Ah, mais ça, c'est excellent. Et ça. Elle arrête pas de faire des phrases où elle se loupe. Mais ouais, et elle dit des trucs toujours à caractère hyper sexuel sans vouloir le dire parce qu'il lui manque une préposition ou un adverbe dans la phrase. Ça m'a fait. Tu sais, t'as l'impression d'être un petit peu comme dans la série The Good Place. Ah oui. Je sais pas si. Je suis. Bof, pas très convaincu par cette série, mais... Ah, avec le... Donc, calme-toi. C'est quoi, Il me casse les le coudes. Le truc où elle est au paradis, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, au lieu de dire « fuck », ils disent « fork ». Ah oui. Tu vois fork. C'est un peu le même principe, quoi. Ouais. Bah là, oui, non, ouais. Sauf qu'ici, à la fin, un moment, il y a une phrase qu'elle lui dit... We're gonna blow him. We're gonna blow... Enfin... Oui, we're gonna blow ouais, him. Elle fait un jeu de mots. Ouais, elle dit pas him. Enfin, elle arrête sa phrase après blow, ce qui veut dire je vais faire une pipe, au lieu de rajouter la préposition qui aurait fait je vais le faire exploser, tu vois, ou un truc comme ça. ça m'a fait marrer. Ah, nous, en français, on a. Il me casse les coudes. Ouais, ah, il me ouais, casse les coudes. Ça marche beaucoup moins bien alors. Et sinon, non, ça marche aussi. Non, ça marche aussi parce qu'il y a plusieurs répliques. Oui, parce qu'à chaque fois, elle va inverser une lettre dans l'expression. Oui, d'accord. Je lui casse les coudes. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a deux, trois trucs. Ouais, ça, et bon. Sinon, est-ce que quelqu'un sait comment fonctionnent les trois coquillages? Ok. Non, pas moi. Et qu'il y a une indexation. Je me suis posé la question. Sites internet a priori qui ont des théories de trouver. Mais, à l'époque, j'avais cherché à une époque, mais j'étais pas convaincu de. Oui, à part racler. Se faire des putains de pieds au trou de balle. Voilà, je me dis comment ça peut fonctionner. Ça restera un mystère. Un MacGuffin non résolu. L'anecdote, ou alors ça vient se mettre deux du coquillages comme ça pour. Je sais pas. Ça vient du scénariste qui cherchait justement un système pour mettre dans les toilettes un peu plus futuriste parce qu'il voulait pas ce côté mettre des rouleaux de papier. Enfin, tu vois, il voulait essayer de trouver un truc et il trouvait rien. Et puis il a appelé un pote à lui qui est scénariste aussi en lui disant écoute, t'as des idées. Et le mec était aux chiottes. Et puis, quand il l'a eu au téléphone, puis il regarde autour de lui, puis il y avait un paquet de coquillages qui était posé sur les toilettes en décoration. Il a dit, oh, bah, t'as qu'à mettre des coquillages. Comme quoi, ça tient un peu de choses. Ça vient de là. Il y a Jack Black aussi qui fait une petite apparition dans le film. Un petit caméo. Oui, enfin, pas un caméo, parce qu'à cette époque, il n'est pas connu, mais qui a un petit rôle. Mm-hmm. Dans les sous-sols. Dans les sous-sols. Avec le rat burger. Oui. Oh, Grim. Ouais. Oh. Et tu serais dans la même société, t'aurais pas dit non au rat burger. Moi j'aurais dit oui. Au lieu de faire ta fine bouche, aller au Taco Bell, là c'est bon. Je vis en Angleterre. Ouais. Exactement. Voilà. Bah donc t'aurais pas dit. Mais j'aime bien pareil la phrase. Oh, il y a chaud en burger. Je préfère le rat burger. T'as vu beaucoup de vaches ici. Non, elles sont toutes dans des combats. Elles sont plus là. Des combats de vaches. Du coup, ça clôture notre épisode today. Enfin, on a fait les quatre films. Oui. Oui, tout à fait. Et on est tous d'accord sur celui de Storm, qu'on a tous aimé. Ah, si. Effectivement. Ah non, mais c'est... Je veux absolument que Storm nous ait proposé Evil Dead 3. Je ne sais pas pourquoi. C'est une sorte de... désolé. Non. Et non. Désolé, c'était moi. Eh ouais, non, c'était Flo. Mais du coup, on fait quoi? Nos recos? Nos actus? Non. Alors on va faire les actus vite fait, comme ça c'est fait, on va pas traîner là-dessus. Si cet épisode, comme prévu, sort début mai, il y aura un épisode des Baby Graveurs. Et comme une nouvelle fois, je me retrouve tout seul, je me suis fait plaisir. Et restons dans les cinémas HK, je vais vous parler de City of Darkness. Qui est sorti l'année dernière. Puis après, pareil, hein. Le 1er mai... Le 1er mai... Mais oui. Le 15. Le 15 mai, nouvel épisode de... Et vous trouvez ça drôle, vraiment. Le 15 avril, c'est lequel? C'est 20 ans d'écart. Je ne sais plus. C'est 20 ans d'écart, je crois, qui sort. Donc le 15 avril, il y a 20 ans d'écart qui est sorti. Le 15 mai, ce sera le grand soir. Et le 15 juin, un épisode avec... Storm. Ah oui. Mais on dit pas sur quel film pour l'instant. Je sais toujours pas. Un featuring. J'attends. C'est ça. Et toi, Jess? Alors, moi, j'ai un épisode de Couch Lobsters qui sort tous les mois, donc ce mois-ci, on l'a pas encore enregistré, mais c'est pas grave. Donc, on aura un épisode qui va sortir prochainement et qui va parler des films Perfect Days de Wim Wenders et 8 Mile de Eminem. Eminem. J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Truc au chocolat. Ouais, cacahuètes. Toi, Storm. Eh ben, moi, pas grand-chose. Hein. On a un épisode qui va sortir de l'antre de toi et moi, donc il devrait pas tarder à sortir, d'après ce que tu m'as dit. Et voilà. Mm-hmm. Donc sur Pandorum. Consacré à... Voilà, Pandorum. Très bien. Et puis voilà. Alors on passe à nos recos. Bah maintenant, si oui, on va essayer, on va essayer de faire des petits recos si quelqu'un en a. Allez, eh ben moi, je vais rester dans le monde asiatique et de la tatane aussi pour la reco, et je vais vous recommander les films The Roundup que Storm m'avait conseillé à une époque. Ah bah oui. Et voilà, qui sont tous aussi exceptionnels les uns que les autres. C'est du bonheur en barre à regarder. C'est rigolo. Ça se prend pas la tête. T'as vu les quoi, les... Ouais, j'ai vu les trois, ouais. Les trois The Roundup, ouais. Et puis il y a le 4 qui est sorti là. Mais que j'ai pas encore... il est pas encore... Non, il est sorti là, fin 2024, d'accord. Il est sorti là-bas. Et ben, impatient de le découvrir, voilà. Ça se pose pas trop de questions. Ça envoie de la tatane et de la grosse baffe dans la gueule. Voilà, en tant que bonne police de Séoul, voilà, ça se fait plaisir, c'est sympa. Ouais, la base. La base. À l'époque, on me l'avait vendu comme à Bud Spencer et Terence Hill. C'est pas très loin, mais... Non, l'acteur principal est génial. Enfin voilà, c'est ouais, voilà. Allez-y, mangez-en, c'est top. Flo, c'est trop cool. Oui, peut-être. Oui, j'ai un livre. Voilà. Okay. Un livre qui s'appelle Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination tout au travail. Un programme. Écrit par la CGC. Non, qui est un bouquin qui invite à repenser un petit peu tout ce truc, tout ce rapport qu'on a au travail, et se dire bah ouais, peut-être en fait on a été un petit peu entre guillemets endoctriné par ce truc là et on est dans une société qui fait que oui, non, la valeur travail c'est important, alors que potentiellement bon bah peut-être ça existe pas forcément ou c'est un peu de la merde, donc détachez-vous un peu de ça et lisez ce livre, ça fait du bien. T'inquiète pas, que je suis détaché de mon taf à 300%. Moi, je sais pas, je suis à SNCF, donc pour les gens, je travaille pas. Mais... Bon, c'est bien que les trains, ça se conduit tout seul. Bon, ça va. Oui, mais ça, après. Ah oui, le train, oui, voilà, le travail, je sais pas ce que c'est. Jess, petite reco ? Alors moi, je vais faire une reco série, une série sur Apple TV, qui s'appelle Dope Thief. Dope Thief, bon, donc fruit, ouais, okay. Voleur de drogue. Tu le fais exprès ou pas? Je sais pas. Oui, je te tacle. Ah, mais je te vois pas quand je parle, du coup, je sais pas si tu fais une tête, je le fais exprès ou pas. Non, mais je regarde IMDb en même temps. Oui. C'est hyper méchant. Mais non. Moi, je trouve que quand une blague doit être trop expliquée, c'est que c'était pas une bonne blague de base. J'arrête pas de le dire. C'est vrai, mais bon. Du coup, de quoi ça parle? Je vais parler du cast parce qu'il y a ce mec que j'adore, Brian Tyree Henry. Je sais pas s'il vous parle. Non, c'est un acteur. Le nom comme ça me dit rien. Alors, je pense qu'il est, anglais, oui. Mais qui a notamment joué dans. Vous avez vu Bullet Train avec Brad oui, Pitt? Oui. Ouais. Vous voyez le duo Tangerine and Lemon? Le black. Ouais. Et... Oui. Ouais. Bah, c'est le black des deux. Oh, ah yes. Okay. Ah oui. Et, oui, cool. Aussi, oui. Et alors, on est sur une série... Alors, je sais plus trop où ça se passe. Ah, bah, il y a Wagner Moura qui joue dedans. On est aux States. Bah, voilà, commence par lui, déjà. Oui. Bah, je le connais pas, ce mec. C'est lui qui joue Pablo Escobar dans Narco. Ah, ouais. Oh, ok. Oui, alors, il est aussi dedans. Il y a aussi Ving Rhames. Ah, bah oui, ouais. Marine Island. Il y a pas mal de très très bons acteurs. Et de quoi ça parle? Ben, t'as deux potes, donc Wagner Moura et Brian Henry, qui sont des potes qui... Ils ont un petit scam. Ils se font passer pour des agents de la DEA, donc le département contre la drogue. Et en gros, ils raid a house. Ils font des... Ouais. Bon, ils débarquent dans des maisons où il y a des gens qui font de la drogue et qui ont forcément de la thune reliée à la drogue. Ils sont passés pour des agents du DEA. Ils les font s'agenouiller, leur mettre les menottes, etc. Oh, ils les arnaquent, quoi, et fait. Ils embarquent tout le matos, sauf qu'ils sont pas du tout des flics. Et donc, en gros, c'est leur petit scam, quoi. Et ils revendent la drogue à quelqu'un qu'ils connaissent qui peut l'échanger sur le marché et ils gardent déjà la thune, ce genre de choses. Ouais, enfin, eux, ils tuent jamais personne, c'est pas leur délire. Sauf qu'un jour, forcément, il y a un truc qui va mal se passer. Et ils vont non seulement tuer des gens enfin, oui, ils vont être impliqués là-dedans et ils vont voler de la drogue à quelqu'un qui, clairement, il est dangereux, cette personne. Cette personne, on ne sait toujours pas qui c'est, parce que la série est en train d'être diffusée, donc elle n'est pas encore terminée. Mais c'est absolument génial. Tous les acteurs sont vraiment impressionnants. L'ambiance est un peu dark, c'est pas un truc facile, il se passe des choses assez tragiques et qui sont filmées d'une façon telle où parfois tu te dis « Ouh, c'était dur à regarder, ça m'a fait mal », tu vois. Il y a plusieurs arcs narratifs, mais qui commencent un petit peu maintenant à se connecter, et tu te sens bien qu'on va aller sur un gros final en apothéose. Ving Rhames est super cool dans ce rôle, un rôle un peu plus sérieux pour lui, qui est toujours souvent cool, un petit peu... Ouais, ouais, mais pas forcément un mec que tu associerais à des très bons films. Enfin, j'en sais rien, mais je vois Mission plus... Impossible. Moi, je l'ai dans Piranha. Ouais, c'est vrai que dans Mission Impossible, il est vraiment cool. Mais ouais, je recommande vraiment cette série, et notamment pour la chanson. Générique. La chanson au générique d'intro qui est chantée par une rappeuse anglaise que j'adore, Little Sims, qui fait des trucs hyper éclectiques. Elle est super intéressante, c'est une étoile montante en Angleterre, autant dans la chanson que dans l'acting, parce qu'elle a joué dans une série, elle était vraiment pas mal. Mais ce qui fait que non seulement la série est top, mais en plus elle est emballée dans une bande-son géniale, et donc je la recommande vraiment, vraiment beaucoup, c'est très très bien. Cool. Et Apple TV, c'est souvent de la bonne qualité, donc ouais, on reste sur cette tendance où ils ont produit de nouveau quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Monarch. Et c'est plein d'actions. Ils produisent pas souvent, mais généralement c'est de la bonne cam, ouais, c'est clair. Vaut mieux, ouais, après, sur le coup, hein, vaut mieux produire moins et de meilleure qualité. Storm, une reco ? Ben, un truc que j'ai rematé il n'y a pas tellement longtemps, parce que je l'ai une commande que j'avais faite et que j'ai reçue, donc je... Petit conseil, un petit Ebola syndrome, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. D'accord, conseil. Très bien. Film sympa. C'est un film. C'est un film, Ebola Syndrome, où tu vas suivre un tueur qui va se retrouver porteur sain du virus Ebola, puis qui va aller s'éclater. Oh, porteur sain. Oh, yes. Voilà, je vous laisse. Il y a des porteurs sains du virus Ebola, je pense. Théoriquement. Je pense que les porteurs sains sont souvent des animaux, non? Pour Ebola. Ah ben je sais pas, je suis pas spécialiste non plus, mais bon, la trame du film, c'est ça. Et donc, tu vas suivre un espèce de gros psychopathe tueur qui est porteur sain du virus Ebola, puis qui va se faire plaisir. Ah, et il le sait. Eh bien, il le sait. Donc, c'est ça qui est fou. Et voilà. Mais donc, comment tu ferais... Ouais, mais même si tu le savais pas, t'es dans la merde. Enfin, à partir du moment où t'es porteur sain du virus Ebola, quoi que tu fasses, tu vas tuer des gens. Bah, même si t'étais pas psychopathe. Oui, sauf que là, lui, vu qu'il le sait et que c'est un psychotueur, bah lui, il va s'en servir pour se faire plaisir, quoi. Justement, ouais. Filer Ebola à tout ce qui peut filer, quoi. Donc voilà. Petit conseil, je vous conseille. Ça a l'air spécial. Très bien. Film japonais. Ah bah bien sûr, forcément. C'est très tendance, un japonais. Ce délire de... Je déteste la société dans laquelle je vis. Du coup, si je pouvais tuer un maximum de personnes en faisant très peu de choses... C'est un syndrome, là-bas, qui sont hyper déprimés et tout. Bon, bah, pique. Ça colle. Moi, je dis, c'est tout. Et on recouche. Ok. Ouais. Oui. Du coup, on peut dire au revoir. Oui. On va regarder ce mois-là. On va regarder pour les autres mois. Eh ben, alors... Ça roule. Ben, merci de nous écouter. Merci de nous écouter. Et au mois prochain. Et on traite de quoi le mois prochain? On tease. Au moins le mois et la liste. Moi j'ai la liste. Alors j'ai un doute, on est 84 ou c'est 70, c'est septembre 72. Ah, on est sur 72. Je savais plus si c'est 72 ou 84. 72, effectivement. Okay. On est sur septembre 72, en effet. Ouais. Et on a déjà tous les films, normalement, je crois. Non, on n'a pas Flo, mais on a Storm, Tom et moi. Mais j'enverrai un truc qui est sorti en 2003. Si on peut teaser sans rien dire, la liste de films a l'air pas trop mal pour l'instant. Bah, y a des plus grands films du cinéma déjà. Après, Tom, il est de nouveau parti sur quelque chose de hyper attendu. J'ai vraiment pas envie de voir ce film. Il va mourir. Simon, je pense qu'on va arrêter là. C'est bon, c'est la fin, clairement. Eh ben, merci. Bye. Merci bye bye à tous et salut, bonne soirée et ciao. Au mois prochain. How's that damn three seashells thing work? Got to a chair and the bomb is ticking.